Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans la Red Arc du Sport sur Radio Arc-en-Ciel. Très heureux de vous retrouver, il est 20h30. On est ensemble pendant 2 heures pour le grand débrief de la semaine sportive. Plein de choses encore au programme ce soir. Sans plus attendre le sommaire de la soirée, on aura bien sûr du foot à partir de 21h. Et Hugo qui va nous rejoindre. Un gros programme foot puisqu'on aura bien sûr la Ligue des Champions. Les huitièmes de finale aller qui se sont déroulés la semaine dernière, les huitièmes de finale retour cette semaine avec le PSG bien sûr face à Liverpool, Lille également, et puis les autres matchs aussi de ces huitièmes, hein. On va tout débriefer tout à l'heure avec Hugo, et donc on aura aussi le reste de l'actualité foot avec les championnats à l'étranger. On verra ce qu'on fait justement ces clubs engagés en Coupe d'Europe ce week-end. On reviendra sur la journée de Liverpool aussi, de Manchester City. On aura aussi l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, bien sûr, avec le Real et l'Atlético. On aura tout ça tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on terminera avec la Ligue 1. Toutes les rencontres qui ont lieu avec la victoire de Longueur face à Nice, la défaite de Marseille, la victoire de Paris, pas mal de choses encore de ce côté-là. On va y revenir, bien sûr, tout à l'heure. Voilà pour le foot, donc à partir de 21h. Et puis, avant cela, dans cette première demi-heure, tout le reste de l'actualité qu'on va balayer avec du rugby. Bien sûr, cette belle victoire française face à l'Irlande dans le tournoi des Six Nations qui a pris la tête de ce tournoi avant l'ultime journée ce week-end face à l'Écosse. Le gros point noir, évidemment, c'est la blessure d'Antoine Dupont, blessé au genou, les ligaments croisés. Donc, il sera absent un long moment, le Français. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Du tennis, la défaite inquiétante de Novak Djokovic d'entrer dans le tournoi de la semaine à Indian Wells. Elle était sortie d'entrée. On va y revenir. Troisième défaite consécutive pour Novak Djokovic, assez inquiétante pour le Serbe. Du basket également, la belle victoire de l'OLB en Pro B qui continue d'enchaîner les succès et garder les commandes de ce championnat. Voilà, on va en parler tout à l'heure dans ce championnat de Pro B. Et puis aussi un bon mot de NBA avec un point sur la fin de saison régulière. Ça y est, on arrive dans la dernière phase, hein. Quelques rencontres encore et puis on va attaquer ensuite les playoffs. On va en reparler tout à l'heure. Et puis on aura également le début de la saison de Formule 1. On présentera le début de cette saison, le championnat qui démarrera dimanche. Et puis le beau week-end bleu en biathlon. Hier, les relais remportés par les Français et les Françaises, et puis aussi de belles victoires lors du week-end. On va y revenir dans un instant. Bien entendu, on démarrera avec ça dans quelques secondes. Et puis les directs de la soirée. Dans 15 minutes à peine, la Ligue 2, c'est la 26e journée, match décalé. Rodez, 15e, reçoit Dunkerque, 4e. Évidemment, des enjeux différents, puisque pour Rodez, il s'agira de prendre des points pour le maintien. Et puis Dunkerque qui peut, en cas de succès, reprendre la 3e place. Donc beaucoup d'enjeux dans cette rencontre qui démarrera donc à 20h45. On aura également à 20h45 l'Italie, la 28e journée de Serie A, la Lazio. 5e reçoit Udinese, 10e pour la Lazio, c'est la 4e place en vue en cas de succès. Donc dans 10 minutes. Et puis 21h02 rencontre l'Espagne, la 27e journée. L'Espagnol Barcelone, 15e reçoit Gérone, 14e. C'est un match important aussi pour le maintien dans cette Liga, donc très important pour les deux clubs. Et puis également l'Angleterre. West Ham, 16e, reçoit Newcastle, 8e, pour la 28e journée de Premier League. C'est également à 21h. Donc, et là aussi, il s'agira de maintien pour West Ham, pour Newcastle. Il s'agira peut-être d'aller essayer de récupérer quelques points en vue de l'Europe. Voilà les enjeux de ces 4 rencontres que l'on suivra en fil rouge tout au long de la soirée. Sans plus attendre, démarrons notre programme avec le début de l'actualité. On va revenir sur ce beau week-end de biathlon où les Français et Françaises d'ailleurs ont réalisé de très belles performances encore, avec d'abord bien chronologiquement, on va revenir un petit peu en arrière dans cette étape qui avait lieu à Nové Město en République tchèque. On avait d'abord le sprint inaugural en milieu de semaine. C'est le Français Milan Jacquelin qui s'est imposé devant Tommaso Giacomelli, l'Italien, Johannes Beu, 3e, Eric Perrault, qui termine au pied du podium, 4e. Donc sur ce sprint, chez les femmes, c'est la Norvégienne Ingrid Tandrevold qui revenait de blessure, qui s'est imposé. Et derrière, on retrouve trois Françaises, Justine Brezaz, Julia Simon et Lou Germono, qui réalisent un beau triplé sur cette étape du sprint. Et puis les poursuites, c'était samedi. La Française, Julia Simon s'est imposée. Elle a refait le retard qu'elle avait sur le sprint. Elvira Bergasulas deuxième, Océane Michelon troisième et Lou Germono quatrième. Là, je vous l'ai dit, beaucoup de Françaises bien placées. Chez les hommes, c'est le Suédois Samuelsson qui s'est imposé. Giacomel deuxième et Johannes Bö troisième. Ça n'a pas bougé ensuite pour les deux autres places. Quentin Firmaier prend la quatrième place. Malgré trois erreurs au tir, il a réussi une belle remontée également. Donc là, encore une fois, pas mal de points pour les Français. Et puis hier, les relais. Eh bien, les deux relais gagnants. D'abord chez les hommes, qui a réalisé un récital face au Norvégien Emilien Claude. Oscar Lombardo, qui d'ailleurs était dans sa première, pour la première fois dans le relais. On avait ensuite Fabien Claude. Et puis enfin, on avait, pour clôturer, Quentin Firmaier, qui était face à Johannes Bö pour le titre, hein, puisque les pour le titre donc du gros globe, du globe de la spécialité de relais, et puis également bien entendu pour réaliser le grand chelem, hein, pour faire 5 victoires en 5 relais dans la saison. Et Johannes Bö qui a craqué complètement sur le tout dernier tir, hein, le dernier debout, lui qui a couru son dernier relais avec la Norvège, on le rappelle, qu'il a annoncé arrêter sa carrière en fin de saison. Et il était au coude à coude les deux avant le dernier tir, et puis il a complètement craqué le Norvégien avec un tour de pénalité finalement. Et Quentin Firmaier, lui, qui a réalisé un tir incroyable pour aller chercher la victoire et donc le petit globe du relais. Et on rappelle qu'il y a également Tarje Bø, hein, qui était dans le relais norvégien, arrêtera également sa carrière en fin de saison. Et l'Ukraine qui s'invite sur le podium, la surprise, auteur d'une belle course avec 7 pioches seulement. La France rappelle 4 pioches seulement, c'est vraiment très très peu, qui a réalisé vraiment un gros gros relais. Et puis chez les femmes, la France aussi s'impose, une petite pioche de plus, 5 pioches seulement, hein. Là aussi largement en tête devant la Norvège, hauteur de 11 pioches, et l'Allemagne 3e, termine donc à 8 pioches. Donc les Français en tout cas en grande réussite encore une fois sur cette étape. Paul Juka au programme la Slovénie pour la prochaine étape, ce sera ce week-end. Voilà, et donc avec des épreuves individuelles au programme. Et puis on aura enfin la dernière semaine l'étape norvégienne d'Oslo pour clôturer. Donc là, on retrouvera également des étapes individuelles uniquement, un sprint, poursuite, relais, mastart pour clôturer la saison et dire au revoir aux frères Bö qui clôtureront à domicile leur carrière. Voilà pour cette étape en tout cas française. Un petit mot rapide de classement, puisque il y a quand même le gros globe en jeu. Johannes Bö et Sturla Lagerheide, les deux Norvégiens, se battront jusqu'au bout probablement, puisqu'il n'y a que 5 points d'écart entre les deux, avec Johannes Bö en tête pour 5 points, mais c'est vraiment très très serré, hein, ça va se jouer encore jusqu'au bout. Chez les femmes, Francesca Preuss conserve la tête devant Lou Germono pour 36 points. Là aussi, c'est très serré, hein, il va pas falloir beaucoup de courses encore pour peut-être la Française revenir. Et en tout cas, on retrouve ensuite 3 autres Françaises. Hein. Aux 5 premières places, on a 4 Françaises. C'est vraiment un récital cette année des Françaises qui sont vraiment bien classées. Même Justine Brezaz, 8e, qui est un petit peu plus loin. Qui sont en tout cas vraiment dans le coup dans la saison. Donc on espère en tout cas pour Lou Germono que ça va pouvoir le faire. Et puis on rappelle aussi que les Françaises ont remporté le globe de cristal dans du relais, hein, donc hommes et femmes, et que la France est toujours en tête dans le classement des nations, toutes courses confondues. Donc pour le moment, ils sont toujours en tête, donc cette équipe de France qui peut aller aussi chercher ce trophée là et puis on espère le gros globe pour Jean Monod chez les femmes. Rendez-vous donc ce week-end pour l'étape de biathlon qui nous attend. Je vous rappelle donc le programme qui arrive pour cette étape de Paul Juka. On aura un individuel déjà donc en milieu de semaine, relais mixte, ensuite les derniers relais mixtes, hein, de la saison. Ce sera donc pour samedi, puis dimanche, on retrouvera les mass start, voilà, qui seront au rendez-vous donc de ce week-end. Voilà pour ce point en biathlon. On enchaîne avec du handball, pardon. Tout à fait autre chose pas de match pour Saran ce week-end en Pro League, puisque Saran était exempt. On rappelle que c'est une poule à 15, donc pas de match pour Saran donc ce week-end. Et donc, en tout cas, ça en reste quand même troisième sans avoir joué dans cette saison de Pro League. En revanche, un petit chamboulement en Star League, puisque on avait le choc Paris-Nantes ce dimanche, victoire des Parisiens 34-28, qui est toujours été devant, et qui prennent seule la tête du classement désormais, devant donc les Nantais. Voilà pour la Star League. Et puis chez les femmes, c'était la trêve, une petite trêve internationale pour les filles, puisqu'on avait deux rencontres donc qui avaient lieu pour cette équipe de France féminine, avec deux matchs amicaux face à l'Allemagne, deux victoires. Jeudi d'abord, victoire 28-25, et puis enfin samedi, nouvelle victoire 30-29 pour les Françaises, qui ont donc remporté ces deux matchs amicaux. Et puis ce sera autour des Français de se réunir à partir d'aujourd'hui pour affronter deux fois le Danemark, mercredi et samedi, dans le cadre de l'Eurocup. Donc les Français se sont réunis donc d'abord mercredi 20h45, et puis donc à domicile, et ensuite au Danemark samedi à 16h pour ces deux rencontres donc de l'Eurocup. Voilà pour le handball, donc tout va bien en tout cas pour nos Français et nos Françaises encore une fois. Ce sera dimanche le début de la saison de Formule 1, le championnat du monde qui démarrera dimanche. Ce sera l'Australie comme d'habitude, comme chaque saison. Les qualifs auront lieu samedi et la course dimanche, évidemment. On n'aura pas sur cette première étape de course sprint, donc ce sera directement le Grand Prix dimanche, donc pour lancer cette saison de Formule 1. Et puis en ce qui concerne la MotoGP, là aussi on va continuer évidemment cette saison de MotoGP. On rappelle que pour l'instant la première course, eh bien elle a été remportée par Marc Marquez, hein, qui a remporté la première étape en Thaïlande, et donc la prochaine étape dimanche, l'Argentine, pour enchaîner cette saison avec toujours Marc Marquez, en tout cas en grande forme pour démarrer la saison. Voilà pour cette saison qui se relance en Formule 1, et puis une étape la semaine prochaine de rallye au Kenya, qui aura lieu donc la semaine prochaine. Voilà pour ce premier point automoto de la saison. On poursuit donc désormais avec du basket, le basket où on retrouve l'OLB toujours en tête, hein, du classement de Pro B. Victoire vendredi à Nantes 77-73. L'OLB reste leader aux côtés de Blois, de Boulazac. Hein. Ça ne bouge pas, hein, les trois qui se tiennent vraiment à égalité. D'ailleurs bien en avance ensuite sur Rouen 4e. Il y a trois victoires d'avance, donc vraiment les trois se sont détachés. Il faut y rester, hein, sur ces places d'honneur en vue des playoffs. Donc l'objectif, il est là. On va jouer donc la 27e journée sur les 38, hein, on rappelle, hein, donc il y a encore un peu de chemin. Et le rendez-vous pour cette semaine, donc demain. Notez bien, demain, Orléans-Chalon. Donc face à Chalon-Reims, ce sera à 20h à l'Arena. Donc pour la première des deux journées de la semaine, puisqu'il y aura une autre journée vendredi, un déplacement à Vichy. Donc Chalon d'abord. Donc dès demain, donc ça sera domicile, qui est 15e. Donc là, il faut vraiment vraiment aller gagner sur cette rencontre. Et ensuite donc le déplacement à Vichy, donc de son côté 13e. Donc là aussi normalement il faut gagner, en tout cas pour rester vraiment devant dans cette Pro B. Un mot dans la Betclic Elite, ça n'a pas, ou en tout cas très peu bougé en haut. Monaco, Cholet, Paris, l'Asvel restent, voilà, sont au coude à coude, hein. On se tient en très peu de points, donc ça n'a pas bougé dans ce classement. Et puis en Euroleague, Monaco reste bien placé, 4e. Paris, attention, 7e, hein, qui chute, donc il faut y rester sur 6 premières places pour aller chercher les playoffs. En revanche, pour l'Asvel, ça ne bouge pas, toujours 15e. Et assez loin, 29e journée cette semaine sur les 34, donc on approche de la fin. Il faut tenir pour Paris pour aller chercher ses places en quart de finale de cette Euroleague. Donc il sera ça ira de gagner à Kaunas, ce sera jeudi pour les Parisiens. Puis Monaco ira au Maccabi Tel Aviv, donc deux rencontres pour rester dans ce top 8 pour Monaco et Paris. Un petit mot de NBA rapidement avant de poursuivre. je vous le dis, on approche vraiment de la fin de la saison régulière, hein, qui aura lieu dans un mois. Encore quelques rencontres, mais en tout cas, ça ne bouge pas pour la tête des classements. À l'Est, c'est Cleveland qui est en tête, hein, largement d'ailleurs. Alors qu'à l'Ouest, c'est Oklahoma City qui est toujours largement en tête. On est à quoi? On est à 64 matchs. Il en reste une vingtaine par franchise à peu près avant de clôturer cette saison régulière. Et bien sûr, on attend ensuite ces playoffs, hein, qu'on attend comme chaque année avec beaucoup d'attention. Du tennis maintenant au programme. Je vous l'avais dit en ouverture de cette émission, la troisième défaite inquiétante de Novak Djokovic, hein, d'affilée, qui a été battu donc d'entrée dans le tournoi d'Indian Wells par Botic van Zandschulp, qui est assez loin au classement, 85e mondial. Une défaite assez inquiétante, 6-2, 3-6, 6-1, ça n'était pas arrivé depuis 2018, hein, trois défaites consécutives. C'est inquiétant face au Néerlandais, hein. On a maintenant Novak Djokovic qui va encore un petit peu baisser au classement avec cette nouvelle défaite d'entrée, hein. On espère qu'il va pouvoir se relever de cette nouvelle défaite. En tout cas, ensuite on aura Miami au programme pour essayer d'aller chercher une première victoire cette saison. On le verra, en tout cas un premier titre et son centième qui lui manque toujours, hein. Pour l'instant on n'en est pas là, il s'agira déjà de se refaire une santé et d'aller gagner un match donc dans ce tournoi de Miami. Sur le tournoi donc en cours à Indian Wells, on rappelle qu'on arrive au huitième de finale. Un Français a qualifié, c'est Arthur Fils qui s'est qualifié en battant Muzetti en trois manches. C'est une belle victoire avec de prestige pour le Français. Hugo Humbert s'est arrêté là, comme Giovanni et Petit Péricard. On aura peut-être Gaël Monfils qui va rejoindre Arthur Fils en cas de succès cette nuit face à Grigor Dimitrov. Hein. Là aussi, gros quali pour le Français. Puis sinon, Carlos Alcaraz jouera cette nuit. Et c'est déjà fini pour Alexandre Zverev, battu aussi très rapidement d'entrée pour son premier match en trois manches par Grieg Spoor, le Hollandais. Donc c'est déjà fini pour l'Allemand. Puis chez les dames, là aussi on arrive en huitième où on retrouve Iga Świątek et puis Sabalenka jouera cette nuit pour tenter de se qualifier également pour ses huitièmes de finale. Pour le reste, très peu de changements sur le classement ATP. En tout cas, Tsitsipas reprend la 9e place, mais pour le reste très peu de mouvements. Puisqu'on rappelle que Indian Wells se joue à cheval sur deux semaines, hein, donc on aura un classement en plus. Plus à jour à partir de lundi prochain. Voilà donc pour le tennis. Et puis on termine avec le rugby avant de marquer une pause et de retrouver Hugo pour le foot. Le rugby avec ce tournoi des Six Nations, bien sûr, on va revenir sur cette rencontre de la France en Irlande. On attendait cette rencontre pour toujours croire à ce titre dans les Six Nations. De plus que jamais, la France va y croire après son succès et cette démonstration, même on peut le dire, en Irlande, 42-27. Ils ont vraiment écrasé les Irlandais en deuxième période, avec aussi beaucoup de d'expulsions temporaires, hein, du côté de l'Irlande qui a pas mal aidé les Français, c'est vrai, mais voilà, 5 essais quand même au total, le bonus offensif au passage. Seul bémol, c'est la blessure d'Antoine Dupont, a pris hier la confirmation de sa blessure, ligament croisé du genou droit. Très gros point noir, évidemment il sera pas là pour le match face à l'Écosse et bien plus pour son club et probablement pour la tournée d'automne de ce 15 de France. Donc grosse pensée à lui, il avait déjà été opéré il y a quelques mois déjà des ligaments croisés. On espère le retrouver évidemment au plus vite, au moins 6-8 mois de repos, hein, pour le Français. Mais en tout cas, voilà, on pense fort à lui et on espère qu'il sera de retour très rapidement. En tout cas, cette équipe de France, voilà, qui était vraiment démonstration, hein, sur ce 15 de la trèfle, hein. En tout cas, la France est en tête avec un point d'avance sur l'Angleterre qui s'est imposée hier en Italie 47-24, qui peut toujours espérer le titre également. L'Irlande est troisième avec 14 points. Là, il faudra vraiment une catastrophe pour non pas là que la France remporte ce titre. Il faudrait déjà perdre face à l'Écosse, hein, ce sera samedi à 21h. Et puis que dans l'autre match, l'Angleterre atomise le Pays de Galles. Voilà, et ce sera quasi mission impossible, mais la France devra en tout cas assurer face à l'Écosse pour aller chercher ce titre très mérité au vu de ce tournoi, hormis ce petit bémol face à l'Angleterre. Sinon, ça a été vraiment un récital pour cette équipe de France et on a hâte de samedi soir pour voir ces Français soulever ce trophée. Voilà pour et puis à noter que oui, également dans la première rencontre de cette journée, le Pays de Galles a été battu en Écosse 35-29. Voilà pour donc la fin de cette journée et puis donc ultime journée avec France-Écosse et puis avant samedi on aura Italie-Irlande 15h15, Pays de Galles-Angleterre 17h45. Voilà les rencontres qui nous attendent ce week-end. Les directs et puis une pause. On va retrouver Hugo juste après. Donc c'est parti en Ligue 2, Rodez Dunkerque 0-0. 6 minutes de jeu, voilà, ça démarre tranquillement dans cette rencontre donc de Ligue 2. Et puis dans l'autre match, qu'est-ce qui a démarré, Lazio Udinese 0-0. 5 minutes de jeu, une pause et on se retrouve dans 3-4 minutes pour on est même en avance pour une fois et on aura le temps de retrouver Hugo donc pour tout le débrief foot. Allez, une pause, on se retrouve dans 3 minutes, à tout de suite. Suite de l'arrêt d'arc du sport, il est 20h54. On est un peu en avance ce soir pour une fois. On finira peut-être à l'heure du coup. Et c'est l'heure de retrouver Hugo qui nous rejoint pour la page foot comme d'habitude. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à toutes et à tous. On est bien en avance ce soir. On est bien en avance, 20h55. On aura du coup peut-être la possibilité de finir à l'heure cette fois-ci. On va voir. En tout cas, il y a plein de choses, hein, ça tourne bien qu'on soit en avance parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses. Vous l'avez compris, la Ligue des Champions, le PSG, Lille, Paris, Paris donc qui jouera demain, on va en reparler. Lyon aussi, hein, aussi en Ligue Europa puisque ça se passe bien pour Lyon. Et puis tous les championnats, l'étranger, et puis en France bien sûr, on a pas mal de choses. Et puis des directs aussi. On va suivre. Alors on en suit déjà Rodez Dunkerque en Ligue 2. On suit également la Lazio face au Udinese en Italie. Et puis dans 5 minutes, on aura deux matchs qui vont démarrer. Barcelone, l'Espagnol Barcelone face à Gérone et puis West Ham Newcastle que peut-être tu vas nous suivre en fil rouge d'ailleurs. Exactement, ouais, tiens, je suis devant, ouais, ça va commencer d'ici 4-5 minutes à peu près de West Ham Newcastle. Parfait, et bah écoute, on suit tout ça en tout cas en fil rouge. Et puis bah pour nous, bah on va lancer tranquillement avec bah, la Coupe d'Europe, voilà, c'était la semaine dernière, mardi, mercredi, Ligue des Champions pour démarrer, puis ensuite on aura donc évidemment la Ligue Europa pour Lyon qui donc a joué jeudi soir. Donc les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions avec mardi d'abord. Mardi on retrouvait Lille d'abord qui jouait à Dortmund qui se déplaçait, qui avait la chance d'avoir été tiré à domicile au retour. Hein, on verra, ce sera peut-être un avantage. Match nul un partout pour Lille qui du coup s'en sort bien, hein, avec ce match nul puisqu'ensuite il y aura ce match à la maison malgré l'ouverture du score de Dortmund. C'est Lille qui repart avec ce nul et qui en tout cas a toutes les raisons de croire à la qualification maintenant. Ouais, exactement, bah, on en reparlera sûrement tout à l'heure aussi quand on débriefera quand on fera le tour d'Europe des championnats de ce week-end. Effectivement, Dortmund, ben, on le sait, est dans une très mauvaise passe depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, même maintenant. En tout cas, depuis au moins ce début d'année 2025. Donc ouais, effectivement, Lille avait plutôt bien commencé son match. Durant les 10-15 premières minutes, ils avaient relativement le pied sur le ballon. Ils se sont octroyé quelques occasions aussi. Et puis petit à petit, ouais, c'est vrai que Lille, on les a un peu moins vus dans cette première période. Il y a eu ce beau but d'Adeyemi, cette belle petite reprise, une espèce de demi-volée qui va vraiment très bien. Petit filet très très très bien placé. Chevalier peut évidemment rien faire sur cette frappe. Et voilà, Dortmund refait le plein de confiance là-dessus. Et puis à la mi-temps, ça faisait dès la 1-0 du coup pour Dortmund. Et ça a continué un petit peu comme ça en début de seconde période, même si Lille a repris un peu du poil de la bête aussi. Et ouais, jusqu'à égaliser quand même avec du mérite, hein, grâce à Ralston à la 68e minute de jeu. Et Lille a encore plus poussé en fin de match, durant au moins les 15-20 dernières minutes. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'on pourrait presque avoir des regrets finalement. En tout cas, c'est un peu le sentiment, et j'étais pas le seul d'ailleurs, mais ça laissait un peu ce sentiment d'inachevé à la fin du match, de regret, parce qu'il y avait la place chez ce Dortmund là, qui n'est vraiment pas étincelant, qui n'est vraiment pas exceptionnel, un peu dans tous les compartiments du bleu. Offensivement, ça dépend des jours. Et effectivement, là, ce jour-là, il y a eu ce beau but d'Adeyemi, mais ça restait assez inoffensif devant. Défensivement, il y a des lacunes aussi. Même le capitaine Emre Can, qui n'a que 31 ans, mais on a l'impression que voilà, il commence à traîner un peu une caravane derrière lui et qu'il est plus aussi serein qu'il pouvait l'être avant. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait la place pour Lille, peut-être d'aller chercher les 3 points. Enfin les 3 points. En tout cas, d'aller chercher la victoire. Après voilà, ça reste bien sûr, un bon résultat pour le LOSC. Évidemment, à l'extérieur, ça reste important, même s'il y a plus cette règle du but à l'extérieur aussi. Pour le coup, c'est vrai que c'est dommage pour Lille, mais voilà, c'était une très bonne performance de Lille dans une équipe qui est quand même relativement jeune, avec pas mal d'absents, avec la première titularisation en Europe de Mbappé, d'Ethan Mbappé, que j'avais trouvé plutôt intéressant en tout début de match. Après, il s'est un petit peu effacé, on le revoyait, mais il était bon, forcément encore très tendre, hein, Ethan Mbappé, bien évidemment. Puis il fallait qu'il prenne ses marques. C'est vrai qu'on l'a vu aussi à plusieurs reprises, à 5-10 minutes d'intervalle en première mi-temps, il y a eu beaucoup de ratés entre Mbappé et Meunier, justement côté droit, où il y a eu beaucoup d'incompréhension, un manque de communication aussi entre les deux. Mais globalement, voilà, encore une fois, un très bon match de Coupe d'Europe de ce Lille de Pep Genesio, qui prouve encore que c'est un grand coach, honnêtement, et il fait encore de très bonnes choses. Et voilà, ça laisse beaucoup d'espoir, évidemment, pour le match retour de mercredi, où Lille, effectivement, a toutes les cartes en main, ou en tout cas a une occasion en or je pense, mine de rien, face à cette équipe-là qui est pourtant vice-championne d'Europe, hein, Dortmund, on le rappelle quand même. Mais cette année, c'est vraiment très compliqué pour les Allemands. Donc oui, c'est vrai qu'il y a vraiment la place pour Lille. Mais voilà, c'était vraiment un bon match. Et ils ont réalisé une très bonne performance en Allemagne mardi dernier. Et puis on reparlera des matchs de championnat, tu l'as dit, hein, où pour Lille, bah, ça s'est bien passé, et puis moins pour Dortmund. Donc on verra l'état de forme des deux clubs avant ce match de mercredi. Toujours mardi, on avait bien sûr Real Atlético, hein, que l'on attendait après ce tirage. Et c'est le Real qui remporte la première manche. Mais tout est encore possible pour l'Atlético. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on pouvait en attendre plus, bien sûr, d'un tel match, d'une telle affiche. Surtout dans un derby, évidemment, madrilène, entre les deux plus gros clubs de Madrid. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de prudence des deux côtés. Hein. C'est pas plus l'Atlético que le Real ou inversement. Mais ça a été un match pas énormément ouvert non plus, même s'il y a eu trois buts et quel but, surtout les trois sont plutôt exceptionnels, de Rodrigo, de Julian Alvarez et de Brahim Diaz. Donc oui, l'avantage est bien sûr Real, évidemment, 2-1. Donc le Real pour moi reste bien sûr favori et a quand même peut-être fait un petit pas déjà vers la qualification, surtout que l'Atlético est pas non plus dans une grosse dynamique. C'est un peu comme Dortmund, même si c'est beaucoup moins catastrophique côté Atlético bien sûr. Et on va reparler aussi dans le championnat de ce week-end. L'Atlético n'a pas fait un bon résultat ce week-end. Voilà, avantage Real. Surtout que Mbappé et Vinicius ont l'air plutôt en forme en ce moment, en très grande forme les deux. On l'a vu aussi ce week-end, on en reparlera. Mais voilà, pas un grand match effectivement dans ce derby. Mais voilà, trois beaux buts, beaucoup de prudence, mais ça annonce, je pense, quand même un grand grand match retour également côté du Wanda Metropolitano mercredi. Ouais, tout est encore possible, c'est vrai, dans cette rencontre. Donc, on espère peut-être plus de spectacles. C'est vrai que c'était un peu plus. Je pense, sur les matchs retour, c'est souvent comme ça. Il y a qu'un but d'écart, c'est deux grandes équipes. Tous les ingrédients sont quand même là pour que, même si l'Atlético est un peu en méforme depuis plusieurs semaines maintenant, je pense que les ingrédients sont là pour qu'on ait un bon scénario, en tout cas un bon match, un très bon match mercredi. À noter, tiens, les trois Français étaient titulaires, hein, Mbappé évidemment, mais Tchouaméni, Kamenga aussi ensemble, hein, dans le milieu. C'est rare de voir les deux ensemble. C'est vrai que c'est rare d'avoir déjà Tchouaméni, Kamavinga. C'est vrai, ouais, que Tchouaméni revient plutôt pas trop mal, plutôt bien au milieu de terrain. Ouais, c'est vrai que ça sert d'avoir ce milieu de terrain franco-français entre Tchouaméni et Kamavinga, c'est vrai. Et c'était plutôt bien, ouais, c'était plutôt réussi, je trouve, sur ce match-là. Et puis Griezmann était un petit peu moins bon que d'habitude, hein. Il est sorti. Ouais, mais c'est pareil, c'est à l'image de son équipe, hein. C'est vrai qu'il est dans une mauvaise passe, on va dire ça comme ça, en tout cas. C'est vrai qu'il est un peu fantomatique dans. Ça fait plusieurs matchs d'affilée là, oui, où on le voit pas trop. Donc effectivement, c'est le symbole de l'équipe entière aussi, même si Alvarez, pour le coup, lui, est assez en forme et continue de marquer. C'est vrai que Griezmann, ouais, c'est à l'image du collectif côté Atlético. Donc demain, retour, donc tu l'as dit, à Madrid, à l'Atlético, du coup, pour cette manche retour. Je voudrais revenir sur assez rapidement, puisque bon, le score il est fleuve entre Arsenal et Eindhoven qui a gagné 7-1. Et voilà, démonstration, et bah maintenant la qualif est quasiment en poche, hein, ils vont pouvoir faire peut-être même tourner, hein. Il y a peut-être le luxe de se faire tourner pour cette rencontre. Oui, bah oui, là franchement, alors oui, on se rappelle bien sûr de la remontada de 2017, PSG 4-0, 6-1. Ouais. Mais là, il y a 7-1 en match aller, à l'extérieur en plus, même si les buts extérieurs ne comptent plus, bien sûr. Mais non, là, c'est vraiment impossible. Là, c'est mission impossible. Alors oui, il peut faire tourner. Maintenant, déjà au niveau attaque, il peut pas beaucoup plus faire tourner, parce qu'il y avait déjà beaucoup d'absents, et c'est ça aussi un peu le comble entre guillemets de ce match-là, c'est que alors oui, PSV est quand même relativement en dessous d'Arsenal bien sûr cette saison, mais sur les dernières dynamiques aussi, sur les derniers matchs notamment en championnat, Arsenal ne marquait quasiment pas ou peu, très peu. Ça s'expliquait donc par rapport aux absences de la plupart des attaquants, hein, donc je pense à Saka, à Martinelli, à Jesus, à Havertz qui n'étaient pas là. Donc forcément l'attaque était un petit peu inédite et un petit peu reformée avec des jeunes joueurs comme Nwaneri, même si t'as que 17 ans, hein, l'attaquant anglais, même s'il a pris un peu de galon cette saison, il a eu pas mal de temps de jeu. Merino qui à la base est un milieu de terrain quand même, plutôt un numéro 8, qui là est aligné en pointe depuis quelques matchs aussi. Et puis Trossard, bon, super sub qui est quand même habitué, mais pas forcément à débuter titulaire. Et finalement, voilà, bah, ça a payé cash. Odegaard qui revient vraiment bien depuis quelques temps maintenant, quelques semaines aussi, qui a marqué un doublé. Donc c'est vrai que c'était vraiment impronosticable, hein, cette gifle qu'Arsenal a infligée, notamment dû par cette longue liste d'absences du côté des attaquants des Gunners, quoi. Et plus, bah, 6 buteurs différents quand même, hein, sur les 7. C'est ça. Exactement. Donc c'est vrai que c'est, ouais, c'est un beau match aussi pour Arsenal et pour se relancer même oui au niveau du championnat, parce que je le disais, ils avaient du mal à pas marquer dernièrement. Donc ouais, c'est je pense que c'est quand même un score qui fait du bien pour l'équipe en tant que telle. Donc voilà, match demain, mais voilà, on l'a compris, avec très peu d'intérêt pour cette rencontre. Et un dernier résultat, donc Aston Villa qui a été gagné à Bruges 3, hein, voilà, qui a mis une option sur la victoire, même s'il a fallu attendre les 10 dernières minutes, hein, pour Villa, qui était un partout et qui a marqué deux fois avant la fin de la rencontre. Mais Bruges, ça joue bien, ils ont passé un bon match aussi. Hein, ouais, c'est dommage. Ouais, c'est cruel un peu pour Bruges, hein, de prendre ces deux buts en fin de match. Et du coup, 3, c'est rien n'est joué, mais c'est vrai qu'il y a une petite option quand même mise déjà par Villa, et qui en plus aura le luxe de recevoir donc sur le match retour. Et on le sait, ça peut parfois être important. Mercredi maintenant. Et Villa qui a pas mal recruté cet hiver aussi. Hein, oui. Et ça se ressent. Notamment en attaque, hein, Rashford, Asensio aussi. Alors même si c'est pas non plus des grands joueurs, en tout cas ils sont restés un peu. C'est des joueurs qui ont pris un très très grand avenir. C'est pas forcément ça, mais c'est vrai qu'ils sont quand même pas mal recrutés. Ils sont bien renforcés, notamment devant, si tu veux. Ouais. Et donc voilà, Villa qui domine cette manche. Allez, mercredi on avait donc les quatre matchs. De dernier huitième, on avait t'as l'Inter qui a été gagné à Rotterdam, assez logiquement, hein, on avait parlé lors du tirage, 2-0, ça suffit, il y aura deux buts d'avance à garder, assez réaliste quand même les interistes. Oui, match maîtrisé des interistes, exactement. Un but chacun pour les deux attaquants, Marcus Thuram et Lautaro Martinez, hein, la fameuse paire de l'Inter. Donc c'est vrai que Feyenoord est quand même vraiment un cran en dessous. C'est pas le même niveau, ça c'est clair. Donc l'Inter a fait le job, mais va quand même falloir aller peut-être marquer ce but assez tôt dans le match retour pour vraiment se mettre à l'abri et pouvoir un peu plus maîtriser tranquillement, je veux dire, après le reste de cette double confrontation. Mais effectivement, une victoire logique et tranquille de l'Inter a fait énorme mercredi dernier. Le Bayern qui recevait Leverkusen dans le duel 100% Allemagne, qui est tourné largement en la faveur du Bayern, 3-0 pour le Bayern, qui est bien en tout cas dans cette double confrontation, hein, qui avoir 3 buts d'avance. Et pour le Bayern, petite déception, hein, on les voyait, en tout cas moi je les voyais un petit peu mieux quand même. Voilà, avec le jeu. Ça va, je sais plus si je l'avais dit ici ou si on avait déjà parlé quand on était pas la semaine dernière, mais je sais plus, mais ou je le disais à je sais plus qui, mais c'est vrai que je voyais presque plus Leverkusen favori, presque en tout cas dans la forme actuelle et un petit peu ce qu'on voit mine de rien depuis le début de saison. Je voyais presque Leverkusen un tantinet favori même à Munich. Au final, voilà, c'est vrai que Leverkusen est vraiment passé à travers ce match. Il y a eu ce carton rouge aussi juste après l'heure de jeu de Mukiele qui n'a pas arrangé durant la dernière demi-heure. Et il y a eu déjà 2-0 à ce moment-là pour le Bayern. Harry Kane qui a marqué quand même assez tôt à la 9e minute et Musiala qui est venu enfoncer le clou à la 54e. Après un carton rouge à l'heure de jeu de Mukiele et puis un penalty d'Harry Kane à la 75e, donc ça faisait 3-0. Mais c'est vrai que oui, le Bayern a vraiment maîtrisé ce match. Est-ce que c'est aussi un souci d'expérience? C'est possible aussi. Maintenant voilà, c'est quand même la première fois donc que ce Bayern-là bat le Leverkusen sous l'ère Xabi Alonso, donc ça c'est quand même à souligner aussi, hein, avec les multiples rencontres en championnat, etc., en tout cas au niveau national. Donc c'est aussi à souligner, mais c'est vrai que Leverkusen a tout raté dans ce match. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent, hein, des matchs comme ça ratés où rien de réussi. Malheureusement, c'était vraiment the match où il fallait au moins peut-être marquer un but, parce que là quand même 3 buts d'écart. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors attention quand même, on en a vu des remontadas justement en Ligue des Champions presque chaque saison finalement, Il suffit que Leverkusen marque tôt, le Bayern, mais c'est pas toujours l'assurance touriste non plus cette saison. On va le voir ce week-end notamment. Enfin, on l'a vu ce week-end notamment, on va en parler tout à l'heure. Donc attention, ça peut vite tourner. Donc c'est pour ça que Leverkusen doit y croire évidemment. Et en tout cas, montrer un tout autre visage que celui qui nous ont montré mercredi. Et puis il y a le point noir pour le Bayern, c'est la sortie sur blessure de Neuer, hein, par contre. Ouais, aussi, c'est sûr que ça reste un point noir, effectivement, même si c'est plus le Neuer qu'on a connu, mais il reste évidemment important et ça reste un grand gardien, toujours très bon sur sa ligne aussi, donc effectivement, c'est aussi un coup dur pour le Bayern, ouais. Le Barça qui se déplaçait à Benfica. Le Barça qui s'en sort hein, avec une victoire, mais vu le scénario, c'est vrai qu'on aurait pu penser l'inverse, réduit à 10 rapidement, et puis Benfica, qui a eu quand même pas mal d'occasions, hein, et après on parlera du PSG, mais c'est un petit peu le même match, hein, même s'il y a eu moins de domination de Benfica, mais dans le scénario, c'est un petit peu similaire quand même. Ouais, c'est un peu similaire avec ce carton rouge. Tôt de Koubarsi côté Barça à la 22e minute, donc forcément Benfica après a pu profiter effectivement de plus grande largesse que laissait Barcelone, donc effectivement à la fin ça donne 26 tirs à 10 pour Benfica, donc c'est vrai que c'est légèrement moins que PSG Liverpool, mais c'est vrai que ça reste assez comparable. Donc effectivement pareil, oui, on peut parler peut-être de hold-up, de petit hold-up du Barça sur ce match-là, effectivement, avec ce but de Rafinha à l'heure de jeu à la 31e, et c'est vrai que Benfica n'aura pas su aller marquer ce petit but au moins pour arracher le nul malgré cette supériorité numérique pendant 80% du match et malgré toutes ces occasions effectivement, mais côté Benfica c'est un peu comme côté PSG aussi, ça manque vraiment de lucidité dans le dernier geste, voilà, c'est 26 tirs mais seulement 8 tirs cadrés, c'est beaucoup trop peu quand tu frappes autant au but et surtout quand t'es en supériorité numérique que t'as un peu plus d'espace, donc voilà, c'est dommage pour Benfica et c'est vraiment une opportunité qu'ils avaient de au moins repartir avec un nul de ce match aller. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage pour eux, mais ouais, bah du coup excellente opération pour le Barça qui va sûrement pouvoir confirmer tranquillement à Montjuïc à la maison demain. Mais attention aussi quand même, ça peut vite tourner. Cette équipe de Benfica reste très expérimentée et relativement talentueuse aussi, même si on n'en parle pas beaucoup, on parle pas beaucoup d'individualité non plus dans cette équipe-là, mais attention quand même à Benfica qui donne souvent du fil à retordre à ses adversaires, en Europe en tout cas. Réponse demain, donc 18h45, ce sera le premier match de la soirée d'ailleurs. Et mercredi, ce sera Lille qui démarrera à 18h45. Donc on pourra suivre et Lille et les Real après face à l'Atlético dans cette soirée. Deux buts dans les directs. Dunkerque qui a ouvert le score à Rodez. Donc ça fait 1-0 après la 25e minute de jeu. Et un but en Italie où Udinese a ouvert la marque face à la Lazio. Là aussi 1-0 après 24 minutes de jeu. Et puis ça ne bouge pas dans les... En tout cas en Angleterre. Ça ne bouge pas, non, 13e minute, 0-0 entre West Ham et Newcastle. Voilà. Et puis bah pareil, ça ne bouge pas en Espagne, l'Espagnol face à Gérone, 0-0. Et puis finissons bien sûr avec le PSG hein, qui recevait Liverpool. Voilà, on attendait cette rencontre évidemment. Et là c'est vraiment le hold-up pour le coup, hein, puisque Liverpool sort de cette rencontre vainqueur avec un seul tir cadré. Et le PSG, qu'en avait 10 fois plus, hein, et qui n'a pas marqué. Comment, voilà, un petit peu résumer cette rencontre. Bah oui, voilà, oui. Finalement, je vais dire un peu, je vais me répéter sur un peu ce qu'on vient de dire du côté du Barça. Paris qui a eu des occasions à foison, qui a vraiment bien joué les coups, sauf dans le dernier geste à chaque fois, évidemment. Ce qu'on reprochait à ce PSG là l'année dernière, encore début de saison, et là c'est depuis plusieurs mois, c'est vrai qu'on avait plus cette habitude là avec Dembélé qui est devenu un vrai finisseur, un gros buteur, donc c'est vrai que ça nous a fait un peu bizarre de retrouver un PSG maladroit, et on pense surtout notamment à cette quadruple occasion que Barcola a eu où il bute sur Alisson, après il finit par mettre une frappe juste au-dessus, enfin c'est des occasions comme ça où celle-là faut les transformer dans ce genre de match en fait, parce que sinon malgré une une domination aussi franche comme ça, bah, tu peux te faire punir quand même en fin de match. Et c'est ce qui est arrivé avec ce but d'Eliott à la 87e, alors que ouais, Liverpool a tiré que deux fois au but, un seul tir cadré, tu l'as dit. Et voilà, c'est des matchs comme ça où bah, la bonne vieille phrase dominée n'est pas gagnée. Là, elle prend vraiment tout son sens parce que oui, effectivement, le PSG ce soir-là, mercredi dernier, devait gagner au moins 3-0 minimum au Parc des Princes parce que Liverpool n'a pas existé. Paris a été dans tous les bons coups. Dembélé a été très bon. Il a fait des différences. Barcola aussi, même si voilà, maladroit devant le but. Varela qui marque ce but avec un léger hors-jeu sur le but. C'était quoi, la 25e minute, un truc comme ça. C'est vrai que c'est dommage aussi pour ce but-là qu'il soit pas comptabilisé parce qu'en plus il était beau. Un gros match encore de Vitinha, Neves, Marquinhos que j'ai trouvé un peu mieux, même si je le trouve presque un peu fautif quand même aussi sur le but de Liverpool. Même si pour moi le vrai fautif, moi ça reste Donnarumma quand même, parce que t'as qu'un arrêt à faire dans le match, t'as pas la main ferme. Puis je sais pas, je le trouvais assez mal placé aussi sur cette frappe, je le trouvais un peu trop excentré. J'ai encore vu le but tout à l'heure, bien sûr, en préparant l'émission, et je sais pas, je le trouve un peu mal placé. Il se couche un peu tard, alors il est grand aussi, mais je sais pas, pour moi il avait vraiment mieux à faire sur cette frappe d'Eliott qui n'était pas non plus placée au millimètre près. Donc quand tu vois Alisson qui tout le match avait la et les mains fermes sur toutes les frappes du PSG bien placées, Alisson qui a fait un match énorme, gigantesque, vraiment incroyable. J'ai pas le nombre d'arrêts précis, je sais pas si tu peux me le trouver, mais j'aimerais bien savoir. Je vais te dire ça. Ça doit se compter en dizaines. 9 arrêts. C'est énorme. Hein. C'est énorme à ce niveau-là. C'est purement énorme. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Chesney en a fait 8 contre Benfica. Hein, donc, oui, c'est le match d'avant. Ah, à l'image un peu de Alisson, c'est vrai qu'on a moins parlé, ouais. Mais oui, c'est dingue. Donc c'est vraiment très mauvaise opération du PSG, parce que ça va quand même être compliqué à Anfield. Parce que on imagine bien que là-bas dans leur stade, même si c'est toujours une ambiance différente en Angleterre, c'est pas pareil, on n'a pas la même ambiance côté supporters, on n'a pas les mêmes choses, tout ça, mais ça reste un stade mythique, évidemment, un stade mythique de Coupe d'Europe, d'Angleterre, de tout ce qu'on veut. Et donc aller gagner là-bas, on le sait, ça va être très compliqué, parce que la physionomie sera forcément différente du match. On sait que Liverpool, là, va plus jouer les coups, en tout cas sera forcément meilleur. Ils peuvent pas, je pense, faire pire que ça, surtout cette saison où ils quand même roulent sur tout le monde. Je pense pas qu'ils peuvent faire pire que prestation que la semaine dernière. Donc ça va être très compliqué. Maintenant, voilà, dès qu'il y aura les occasions demain, va falloir les transformer pour le PSG. Il n'y a pas le choix, parce que sinon, ça va être à nouveau punition. Et voilà. Mais effectivement, gros hold-up des Reds lors de ce match aller. Et Paris, ouais, peut se bouffer les doigts, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Alors après. Sur le match retour, je pense qu'on n'aura pas le même Becker non plus. Hein. Il va pas, même Alisson, pas faire deux fois le même match. Hein. Quand même. Non, c'est sûr. Mais après, il va falloir aussi. Je pense pas que le PSG, alors deux fois de suite, ce serait énorme. Hein. Je pense pas que le PSG se procure encore 25 occasions, pas 25 frappes dans le match, quoi. Oui, puis. Je le souhaite, mais je te dis, je pense que la finale sera différente. En Anfield, c'est toujours différent quand même. Oui, puis Liverpool va peut-être jouer. Je pense plus d'occasions. Comme je disais, c'est quasiment impossible de faire pire, en fait. Donc Donnarumma devra pour le coup là aussi sortir un peu les parpaings, mettre les parpaings dans les gants plutôt que d'avoir une mode de beurre comme il disait chez nos confrères d'RMC à la place des mains, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est à toute l'équipe de répondre présent et essayer de au maximum de reproduire ce qu'ils ont fait là dans ce match aller, hormis la finition où là va en falloir monter d'une étape. Mais ça va être compliqué. Après, il n'y a qu'un but quand même d'en retard, hein, c'est rien du tout. Oui, ça peut être vite remis à zéro. C'est ça exactement. Donc après voilà, on voit le PSG, ils sont capables de nous faire une prestation énorme comme ça aussi. Donc franchement, il y a la place pour y aller. Ça va être compliqué, c'est sûr, à Anfield, mais évidemment, quand on voit ce match aller, il y a largement la place pour le faire. Ils en sont capables, chacun. Donc chacun des joueurs du PSG. Donc il n'y a plus qu'à, entre guillemets. Alors c'est facile à dire, mais il va falloir le faire, essayer de pas se faire prendre par les vieux démons du passé, parce qu'on sait qu'à chaque fois en Ligue des Champions il y a toujours ça qui ressort, et il va falloir vraiment faire un grand match dans un grand soir d'Europe. En tout cas, je pense que le match là aussi forcément sera très très grand, et je pense qu'on aura un très beau scénario aussi demain soir, en espérant que ce soit en faveur du PSG, bien sûr. Réponse demain à 21h donc et puis donc pour Lille, on le rappelle, mercredi à 18h45. Nous passons à la Ligue Europa, passons à Lyon maintenant, qui a fait aussi une, qui a mis une option sur cette qualification en gagnant à l'extérieur 3-1. Voilà, qui a en tout cas une belle victoire à Bucarest, donc en Roumanie. Ça s'est dessiné vraiment en fin de match, hein, cette victoire avec 2 buts dans les 5 dernières minutes, avec un doublé de Fofana d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, peut-être que le plus dur est fait en ayant gagné avec 2 buts d'avance à l'extérieur. Ouais. Effectivement, le match avait commencé en faveur plutôt des Roumains, justement, du Steaua Bucarest, où pendant 25 minutes, ils avaient vraiment le ballon, ils se sont procuré quelques occasions. Il y a eu une grosse entame de matchs, justement, de la part du gardien, de Lucas Perry, qui a fait son match aussi, qui a fait des arrêts très importants. Et puis voilà, Tagliafico a ouvert le score à la demi-heure de jeu, ce qui a permis à Lyon un petit peu de se décoincer, de rentrer vraiment dans son match. Et ensuite, à un peu plus maîtriser cette rencontre, à mettre le pied sur le ballon, à avoir la possession. Et voilà, il y a quand même eu, encore une fois, quelques lacunes défensives aussi, puisqu'il y a quand même aussi cette égalisation qui surgit à la 68e minute de jeu. Mais voilà, effectivement, tu l'as dit, en fin de match, ça s'est décanté pour les Lyonnais, avec un doublé de Fofana qui a fait vraiment un très bon match au-delà de ses buts aussi, à la 86e et à la 90e minute, qui permet aux Lyonnais de se mettre à l'abri dans ce match-là, et probablement pour la double confrontation aussi, même si encore une fois, pareil, va falloir aller marquer ce but jeudi assez tôt dans le match pour essayer de se mettre à l'abri un maximum, ou en tout cas d'amener de la sérénité vraiment dans cette équipe et dans ce match. Mais voilà, le job a été fait, un match assez maîtrisé, même si Lyon s'est un peu fait peur, et notamment début de match où, je l'ai dit, ils n'ont vraiment pas trop maîtrisé au début le ballon, ils avaient eu du mal à rentrer dans ce match, les Lyonnais. Mais ils ont fait le job. Maintenant, il faut conclure assez rapidement jeudi et terminer tranquillement ce match retour pour aller se qualifier en quart. Donc réponse, donc c'est demain jeudi 21h cette fois. Quelques résultats rapidement. Match de United à la Real Sociedad, un partout, rien n'est fait aussi pour Tottenham, qui a été perdu quand même à l'extérieur à Alkmaar aux Pays-Bas. Il y a très peu de il y a rien de fait, hein, pour les autres matchs. Francfort a gagné 2-1, donc peu d'avantages, la Lazio aussi, la Strom aussi. Voilà, il y a très peu, la Glasgow qui a gagné 3-1, avec un peu d'avantage aussi comme Lyon. Et puis Bodo Glimt qui a gagné 3-0 face à l'Olympiakos, donc à un pied en quart de finale également. Donc réponse jeudi pour tous ces matchs de Ligue Europa. Refermons cette page alors que ça a bougé. Tu veux pas donner les scores en Conference League, parce que je pense que tu peux t'amuser avec certains noms de clubs. C'est vrai que il y avait ces matchs là aussi, mais on en parle pas parce que évidemment on n'a pas de clubs français représentés, mais c'est vrai qu'on aura... il y a quand même des clubs, t'as jamais entendu parler, quoi. Le NK Celje, je sais pas si je prononce bien, un club slovène qui a gagné contre Lugano. T'as le Paphos, alors c'est quoi, c'est grec? Oui, j'ai mangé en chypriote. Ah oui, d'accord. Paphos contre Tour Gardens 1-0, enfin voilà, bon, c'est vrai qu'il y a des clubs club suédois, on a rarement le, après c'est le but, c'est le principe de la compétition, hein. C'est plus pour les petits pays d'Europe comme ça, les championnats. J'avais Lyona Bialystok aussi, ouais, si tu veux. À tes souhaits. Ouais, il y a Chelsea quand même qui est là, hein, qui fait un peu aussi des favoris. Il y a la Fiorentina, qui a perdu, ouais. Chelsea qui a gagné 2-1 du coup, et qui peut peut-être aller chercher un trophée, hein, parce que quand on voit, à part Chelsea et Fiorentina, il n'y a rien, hein. Real Betis peut-être. Ah, puis, c'est assez marrant, c'est que Chelsea en plus fait tourner largement dans cette compétition, hein, quand même. L'attaquant qui a débuté, le numéro 9 qui a débuté, je sais même pas qui c'est, Shumairi Meka, qui a 17 ans, attaquant anglais, qui a débuté ce match. Il y a Tahirik George, à côté gauche, à 19 ans, qui a débuté. Il y a des joueurs comme ça, inconnus, des jeunes qui débutent des matchs de Coupe d'Europe. Alors, effectivement, oui, c'est la Conference League, mais pour dire, en plus, Chelsea la joue sans vraiment la jouer, en plus. Ouais. Et ça passe. Ils s'imposent plutôt tranquillement. Ils ont fini premier de la phase de ligue déjà, pareil, en la jouant plus ou moins. Donc, effectivement, Chelsea fait office quand même de grandissime favori. Même en faisant tourner comme ça. Allez, les directs ont bougé. Enfin, en tout cas, pour l'Italie, la Lazio a égalisé face à Udinese, donc un partout après 38 minutes. Pour le reste, pas de changement dans les trois autres rencontres. Là, on démarre notre tour d'Europe avec l'Allemagne, Et donc la Bundesliga, c'était la 25e journée. On démarre avec le Bayern, donc qui démarrait un petit peu le week-end avec la rencontre face à Bochum. Alors on se disait que face à Bochum, ça serait facile, hein, Bochum qui joue le maintien. Et ben pas du tout. Le Bayern s'incline même dans cette rencontre, alors qu'il menait 2-0. Et bon, alors il reste en tête, on va le voir, mais petit accro dans cette saison pour le Bayern. Ouais, ben encore une histoire de carton rouge qui change un peu la physionomie du match. Effectivement, le Bayern avait largement le match en main, il gagnait 2-0 juste avant la demi-heure de jeu grâce à un doublé de Rafael Guerreiro, le Portugais qu'on avait connu en France il y a peut-être 10 ans à Lorient. Ouais. Tu te rappelles bien, ensuite joue à Dortmund et qui est au Bayern déjà depuis plusieurs années et qui d'ailleurs marque son premier doublé de sa carrière avec le Bayern. Donc voilà, 2-0 pour le Bayern. Bon, ils sont quand même un petit peu rattrapés 3 minutes plus tard, puisque Bochum marque un but à la 31e. Et puis voilà, ouais, avant la mi-temps, un carton rouge de Palinha côté Bayern, selon moi légèrement sévère, même s'il a le pied en avant, il met une semelle, je trouve un peu sévère. Mais carton rouge direct pour le Bayern, et effectivement ça change la physionomie de ce match, puisque Bochum revient avec des arguments, avec des idées. Il y a forcément un joueur en plus côté Bochum, donc faut jouer les coups à fond. Et dès la 51e, égalisation grâce à Ibrahima Sissoko côté Bochum. Et puis voilà, Bochum va continuer à pousser, à être agressif. On le voit notamment au niveau des cartons jaunes. Hein. Ils ont eu pas mal de cartons jaunes en seconde période, 5 cartons jaunes Bochum. Donc ils ont poussé. Après, il y a eu, j'ai oublié de le dire, mais un pénalty manqué de Serge Gnabry en première période. Il y a eu un but refusé aussi à Serge Gnabry pour hors-jeu aussi en seconde période, si je me trompe pas là. Il y a eu une première mi-temps où ça souriait, enfin en tout cas début de première mi-temps où ça souriait vraiment au Bayern, et puis ce fait de jeu qui a tout changé effectivement, et puis en seconde période il n'y a plus rien qu'à aller pour les Bavarois, et Bochum en a profité jusqu'à marquer le troisième but à la 71e de Béraud, et puis après ils ont réussi à maîtriser jusqu'à la fin, même si Bayern a encore eu quelques occasions aussi, notamment Harry Kane qui a essayé de réclamer un penalty aussi en fin de match, mais qui ne l'aura pas eu, et Bochum s'impose effectivement et crée la surprise totale avec ce carton rouge qui a tout changé dans ce match. Alors pour Bochum, c'est un super résultat hein, puisque ça permet de sortir de la zone rouge hein, tout simplement, donc c'est vraiment un super résultat pour le Bayern. Bon, il y a toujours 8 points d'avance, donc pas de panique, mais bon, c'est... Bah, ils sont encore dans la zone rouge. Non, puisqu'il y a un barragiste pour le 16e de... Ah, c'est le barrage aussi. Ouais, il est en zone orange, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, il est en zone orange. C'est pas la folie, mais c'est un peu mieux, quoi. Voilà. C'est pas dingue, mais effectivement, c'est 3 points, ouais, très important. Ouais, C'est vrai. Ils repassent devant Heidenheim et équipe. Ils étaient derniers, hein. Donc, ils sortent, ils repassent deux places devant. C'est seulement la 4e victoire, hein, donc, bel exploit. Comme quoi, des fois, sur pas grand chose, un fait de jeu, un fait de match comme ça, un carton rouge, peut-être, on sait pas, après voilà, on est encore loin de la fin de saison, mais des fois, sur un truc comme ça, finalement, tu te dis, la saison peut se jouer un peu là-dessus pour une équipe. C'est vrai. C'est cool. Tout à fait. Le Bayern qui avait l'occasion de profiter de cette défaite du Bayern, en recevant le Werder Bremen, occasion manquée. Ça aurait pu permettre de revenir à 5 points. Non. Défaite 2-0. Un but tout au début du match, un but tout à la fin pour le Werder. C'est ça, pourtant Leverkusen a dominé, a eu le ballon tout au long du match, a eu les occasions, 18 tirs à 11, dans le dernier geste ça n'a pas été, seulement 4 tirs cadrés. Défaite effectivement qui fait mal dans les têtes, parce que ça enchaîne après la claque reçue en Ligue des Champions, on le disait tout à l'heure, face au Bayern. Ils avaient l'occasion de rester entre guillemets collé un peu au Bayern, en tout cas d'être toujours à 5 points du Bayern, on a maintenant sur 8 points forcément, donc là ça commence à devenir compliqué. Puis surtout autre gros point noir de ce match, c'est la sortie, c'est la blessure de Florian Wirtz, est sûr de ne pas être présent pour le match retour cette semaine contre le Bayern, donc c'est pour ça que ça va être aussi compliqué quand même pour les Leverkusen de revenir dans cette double confrontation en Ligue des Champions. Et voilà, donc c'est vrai que c'était vraiment un week-end, un match noir, on va dire, pour les Leverkusen et cette défaite-là qui fait mal effectivement sur le plan comptable mais aussi sur le plan sportif. Donc c'est vrai que c'est vraiment un match à oublier pour ce Leverkusen-là, ouais. Ouais, ligament interne hein, pour Wirtz. Et donc, il manquera plusieurs semaines, c'est sûr. Donc là, c'est sûr, tu l'as dit demain. Et puis, peut-être. Surtout que Wirtz n'avait pas débuté le match en plus. Hein. Il est rentré en tout début de seconde période. Oui, c'est ça. Donc, ouais, gros coup dur pour le Bayern. Et donc, on avait également Francfort qui jouait hier. Et bah Francfort qui perd aussi, voilà, personne n'en a profité. Hein. Bon, même si Francfort était très loin des deux premiers, mais il a pu quand même prendre 3 points. Bah ils ont aussi perdu Francfort. C'était face à Berlin 2-1. Et donc bah Francfort reste 4e du coup avec cette défaite. Hein. Ouais, il reste 4e. Pareil, c'est une équipe qui a eu le ballon pendant quasiment tout le match. Ils ont un peu plus dominé ce match, même si ça a été serré, mais Berlin a eu des arguments, a fait un plutôt bon match et a su réagir sur son seconde période, effectivement, où ils ont vraiment bien pris du poil de la bête. Après, Francfort aurait pu égaliser en toute fin de match, hein, puisque Ekitike a loupé un penalty dans les arrêts de jeu, 90e plus 1, je crois. Mais voilà, donc effectivement, mauvais résultat pour Francfort, très mauvaise opération. Et voilà, tu l'as dit, et 4e ne monte pas sur le podium. Et au contraire, bonne opération de Berlin qui, voilà, on va dire, se met bien à l'abri par rapport au maintien. Ouais. Donc voilà, c'est une victoire qui fait du bien pour eux, mais effectivement, Francfort, c'est un coup d'arrêt, pour eux, effectivement. Alors le grand gagnant de ce week-end, c'est Mayence. On en parle très peu. Mayence qui a gagné 3 à Mönchengladbach, fait une grosse série là, 4 victoires d'affilée, et du coup prend la 3e place de Francfort. Et ça va être compliqué d'aller chercher plus, mais ça va être un bon prétendant à la Ligue des Champions maintenant, avec cette 3e place. Non, on avait déjà parlé plusieurs fois en quelques semaines. C'est vrai que cette équipe-là, oui, on n'en parle pas énormément, mais elle fait son petit bonhomme de chemin et elle peut, ouais, enfin, elle embête déjà d'ailleurs cette équipe-là, c'est Francfort, c'est Leipzig, effectivement. Attention à cette équipe qui joue bien, qui pratique du beau football, qui marque, et c'est vrai que attention, ça peut être un candidat sérieux à la Coupe d'Europe. Alors pour l'instant la Ligue des Champions, on va voir si sur le long terme, en tout cas jusqu'à la fin de saison, ils vont réussir, notamment dans le rush final, dans la dernière ligne droite. Mais pour l'instant, effectivement, ça embête tous les clubs, on va dire, phares, on va dire, ou qui sont favoris pour la Ligue des Champions. Donc attention à Mayence. Un mot rapide avant de conclure avec l'Allemagne, de Dortmund, du coup, hein, qui bien sûr affrontera Lille mercredi, qui a perdu face à Augsbourg, on avait parlé tout à l'heure, c'était pas bien passé, et Dortmund qui était un petit peu mieux en championnat et qui rechute encore face à Augsbourg cette fois. C'est ça, pourtant, ouais, ils restaient sur 2 victoires d'affilée en championnat, ils revenaient bien. Il y a eu ce match contre Lille où, c'était pas non plus exceptionnel, on l'a dit tout à l'heure. Puis là, ils retombent vraiment dans leur travers, effectivement, où ils n'ont pas été dangereux du match, même s'ils ont eu quelques occasions, mais c'est seulement un tir cadré sur 15 tirs. C'était évidemment beaucoup trop peu pour une équipe comme Dortmund, malgré son classement et sa méforme quand même depuis plusieurs semaines. Ça doit faire beaucoup mieux. Et voilà, ils sont à leur place, en 10e, ils sont à leur place. Et Augsbourg reste pour le coup, eux, dans une très bonne dynamique, qui n'a pas encaissé de but depuis 5 matchs. En championnat, donc belle équipe d'Augsbourg aussi, et Dortmund n'a pas su résister, donc c'est pour ça, ouais, effectivement, que je disais tout à l'heure, Lille, c'est vraiment le bon moment pour prendre cette équipe de Dortmund et prendre à son avantage ce match retour dès mercredi, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment la place contre cette équipe-là. Et un dernier résultat, c'est Fribourg-Leipzig au 0-0, pas de but, personne n'a profité dès la défaite de Francfort, et qui reste donc 5 et 6e, pas de gros match donc sur cette rencontre. Bon, tant qu'on y est, fait tous les scores. Alors, Wolfsburg, Sampdoria, un partout. T'as quasiment tout fait. Et presque plus grand chose, c'est vrai. Le Bayern reste donc en tête avec 61 points. Leverkusen, deuxième, 53 points. Donc, Mayence prend la 3e place avec 44 points. Francfort, 42 points et 4e. Puis Fribourg, Leipzig, je l'ai dit, reste 5 et 6e. Dortmund, englué à la moitié, un 10e. Englué, mais finalement pas si loin que ça de l'Europe. Hein. La 6e place, elle est à 4 points, donc rien n'est joué, mais il va falloir enchaîner hein, pour Dortmund, parce que là, il y a deux victoires consécutives, c'est pas suffisant pour remonter. Et puis en bas, donc on l'a dit, Borum sort de la zone rouge et 16e avec 18 points, Kiel 17 points et Eindhoven 16 points. Rien n'est joué dans ce bas de tableau, même si pour la 15e place, c'est à 22, c'est un petit peu plus loin. Ça va probablement se jouer entre ces trois-là. pour cette fin de saison. Un coup d'œil sur les matchs de ce week-end. Qu'est-ce qui nous attend? On a Leipzig-Dortmund. Quand même un duel entre guillemets mal placé. Enfin, Leipzig qui est que 6e aussi, Dortmund qui est 10e. C'est vrai que c'est en fait une belle affiche depuis plusieurs années. Et bon, là, c'est un peu en dessous, mais effectivement, finalement, oui, c'est un peu malheureux vaincu parce que oui, Leipzig doit rester quand même dans ses places européennes. Mais en même temps, si Dortmund perd, la 6e place, enfin, Leipzig va encore plus prendre de l'avance sur Dortmund. Donc, c'est vrai que c'est quand même un match important pour les deux équipes. Mais sinon, il n'y a pas de grosse affiche. Bah, du coup, on peut citer presque Mayence-Fribourg, c'est le 3e contre le 5e finalement. Oui, tout à fait. Oui, non mais complètement. Ça fait pas rêver, hein, je vous l'accorde. Non, c'est pour ça que je l'ai pas vu. Ça m'a pas sauté aux yeux, mais oui, t'as raison. 3e contre 5e, c'est clairement Fribourg pour revenir à hauteur de Mayence en cas de victoire. Ouais, c'est clairement un match important pour les deux clubs. Ce sera samedi à 15h30 et puis Leipzig Dortmund, c'est à 18h30. Voilà, donc les matchs, bon, c'est tout, hein. De toute façon, il n'y a pas d'autres grosses. Ouais, j'allais dire Stuttgart, oui, j'ai pensé aussi, bon. Ouais. À 19h30 dimanche, pourquoi pas. Si on fallait rajouter un match. Voilà, pour l'Allemagne, donc, ces matchs de cette journée 26 ce week-end. On va en Italie, alors qu'on juste un petit coup d'œil des directs. C'est la mi-temps, c'est la pause en Ligue 2, 1-0. Je vous le rappelle, pour Dunkerque qui mène à Rodez. Et puis un partout en Italie entre la Lazio et Udinese. L'Italie, justement, c'est maintenant, quelle transition, disons, incroyable pour la Serie A avec donc les matchs de cette journée, la 28e en Italie. On peut démarrer avec samedi deux matchs des clubs de Milan, le Milan AC et l'Inter qui tous les deux ont gagné 3-2. Et le même scénario entre guillemets. Oui, c'est ça, exactement. C'est que ça, c'est un peu similaire. Des buts, du spectacle. Le Milan, assez d'abord, qui s'impose à Lecce, qui était mené et qui a renversé le match pour s'imposer. Et c'était important, bien sûr, pour le Milan, pour rester sur ses places à proximité de l'Europe. Ouais, effectivement, Milan quand même relativement dominé ce match, qui avait fait un bon début de match, mais avait vite été puni, on va dire ça comme ça, grâce à un but de Krstović côté Lecce dès la 7e minute de jeu. Voilà, Milan a poussé, a manqué des occasions, a fait des poteaux aussi. Puis Krstović, après la pause, enfin juste avant l'heure de jeu même, a doublé la mise 2-0 pour Lecce, un petit peu contre le cours du jeu, à chaque fois en contre-attaque. Et puis Milan s'est réveillé, en tout cas a poussé, et puis ça a fait un CSC de Gallo, ça faisait 2-1 du coup, plus que 2-1, et puis un penalty ensuite 5 minutes plus tard qui va transformer Pulisic 2-2, et puis voilà on voyait un petit peu la sauce venir. Voilà, Pulisic qui a fait vraiment un bon match dans l'ensemble et surtout dans cette fin de match avec un doublé qu'il va signer à la 81e pour aller chercher la victoire pour le Milan AC. Donc victoire, oui, méritée pour le Milan quand même, même si défensivement on l'a vu en contre-attaque sur les transitions offensives, enfin défensives du coup pour Milan, c'est compliqué, on l'a vu donc sur ces deux buts de Krstović côté Lecce. Donc c'est quand même, ça reste quand même, oui, une victoire effectivement importante forcément pour Milan qui est 9e, hein, qui est encore loin quand même. C'est vraiment un moment où il fallait plus perdre de points. Donc ce comeback dans ce match était largement le bienvenu pour les Rossoneri. Et ils ont quand même fait le job, mais effectivement ils ont quand même joué à se faire peur dans ce match-là. Mais ils ont fait le job, ils ont mérité cette victoire mine de rien malgré ces largesses défensives et ce manque dans les transitions défensives. Mais effectivement c'est un très bon résultat pour Milan quand même. Et tiens, je me posais une question. Gallo, il jouait pas à Rome avant? Je crois que. Gallo Roma? Oui. C'est magnifique. C'est ça. Et oui. Pas mal. Obligatoire. Pas mal. Et ce serait rigolo si c'était vrai. Mais c'est ce que j'allais voir, justement. Oui. Où est-ce qu'il est? Il est là, il est défenseur droit. Est-ce qu'il a joué ce soir? Non. Mais il est jeune. Il est en 2000. Il vient d'arriver. Enfin, il vient de commencer. Et peut-être à l'avenir. Il jouera là-bas. Attends, je vais vérifier dans sa formation. Peut-être qu'il a fait une petite pige. Pourquoi pas. À la Roma ou à la Lazio. Je te laisse regarder ça. Et donc on avait donc cette victoire du Milan, du coup voilà 3-2. L'Inter qui a fait la même chose à la maison. Alors forcément, ils pouvaient pas tous les deux jouer à la maison, ça c'est sûr. Qui gagne donc 3-2. Ce serait marrant. ce serait si ils peuvent, si on 44 joueurs sur le terrain, ça peut être marrant. Ça fait beaucoup, ouais. il n'a pas joué à Rome, hein, Gallo, il non. a joué à Palerme. Mais ça, à Palerme. Ça viendra. J'espère. Je le souhaite. Et oui. Donc l'Inter voilà maintenant qui s'impose, voilà un peu le même scénario, tu l'as dit, qui était mené 2-0 et qui a renversé le match voilà en seconde période pour gagner 3-2 et qui reste leader du coup. Qui reste leader, ouais, exactement. C'est vrai que Monza crée la surprise, il gagnait 2-1 donc à la mi-temps. Pareil, sur des situations de contre-attaque, hein, que Monza a marqué ses buts, parce que l'Inter, même chose, dominait encore. Plus que Milan, en tout cas, c'était plus flagrant. L'Inter avait plutôt la main mise sur ce match. Mais ils se sont fait punir à deux fois en première mi-temps, effectivement, avec l'ouverture du score de Ghirindelli juste après la demi-heure de jeu. Keita Baldé, l'ancien justement de la maison, l'ancien de l'Inter qui marque, l'ancien Monégasque également. Ouais. Donc c'est déjà 2-0. Et puis Arnautovic qui a enfin pu récompenser les efforts quand même interistes, parce que ça poussait côté Inter et il a enfin pu réduire l'écart à la 45e plus 2 dans les arrêts de jeu juste avant la mi-temps. Et puis voilà, l'Inter pareil a continué en seconde période et Monza forcément s'est un petit peu affaibli, un petit peu fatigué et puis forcément voilà, dernier c'est là qu'on a vu la dernier de championnat. Non. Voilà, lanterne rouge de championnat passe au leader, donc enfin au leader maintenant après cette journée là en tout cas. Oui. L'Inter a fait le job en seconde période. Égalisation de Çalhanoğlu à la 64e et puis un CSC au final de Kyriakou Poulos en fin de match aussi à la 77e et voilà, l'Inter a fait le job, mais effectivement c'est marrant de voir que sur la même journée, sur le même jour, l'Inter et l'AC Milan reviennent un petit peu d'un même scénario, ils perdaient 2-0 et reviennent à 3-2. Et voilà, ça reste aussi effectivement un très bon résultat pour l'Inter qui permet voilà de prendre ce trône. Et de rester premier, donc c'est vraiment un très bon résultat, ouais. Et oui, il fallait gagner puisque Naples jouait ensuite de hier face à la Fiorentina, Naples qui n'a pas tremblé, qui gagne 2-1 et qui suit ce rythme de l'Inter du coup. Ouais, Naples qui a globalement fait son match aussi, qui a dominé, qui a eu le ballon, qui a eu son procurement de franches d'occasion avec un gros match de Romelu Lukaku qui a marqué, qui a ouvert le score à la 25e et qui a fait qui a contribué au but de Raspadori à l'heure de jeu parce qu'il a fait une passe décisive Lukaku, donc ça fait 2-0 pour Naples, mais attention parce qu'effectivement ils auraient pu se faire encore plus punir. Gudmundsson réduit l'écart pour la FIO à la 65e, donc presque coup sur coup, mais Naples aura su tenir quand même jusqu'à la fin et globalement mérite sa victoire, donc c'était ouais un match important. Enfin, 3 points importants vraiment à glaner pour effectivement rester dans la course au titre et ne pas laisser filer l'Inter, comme on le disait juste avant. Donc, ouais, très bon résultat de Naples avec quand même une belle performance à la clé contre cette FIO là. Exactement. Ouais, qui est un peu moins bien. C'est vrai, la FIO qui n'a gagné qu'un seul match sur les 5 derniers. Donc, c'est une petite période compliquée pour la FIO qui est engagée toujours en Conference League. En Conference League ou en Ligue Europa. Oui, Conference. Ouais. Conference, c'est ça. Et puis le dernier match, c'était un choc, hein, en tout cas qu'on attendait entre la Juve et Bergame, hein, la Juve qui pouvait tout simplement prendre la troisième place, hein, pour peut-être la première fois de la saison, hein, si je dis pas de bêtises, parce que je crois qu'ils ont jamais été troisième depuis le début de saison. Vérifier quand même. Peut-être, ouais. Peut-être au début il y a eu 2-3 victoires, mais bon, ça n'a pas duré longtemps en tout cas. Enfin, en tout cas, depuis très longtemps, ils avaient l'occasion de passer troisième, quasiment manqué. Et puis pire que ça, c'est que c'est une démonstration de Bergame, hein, dans cette rencontre. Humiliation pour la Juve. Là, il y avait une classe d'écart sur ce match. C'est impressionnant, la Juve qui non seulement n'a pas du tout été dangereuse offensivement, la possession. Niveau stats, la possession leur est quand même favorable. La Juve a 63% de possession contre 37. Mais je pense surtout que c'est la possession des engagements qui fait ça. Mais l'Atalanta a été énorme. Ils ont été dangereux, cliniques, efficaces. C'est 19 tirs, c'est 4 buts, 109 tirs cadrés. C'est voilà, des buts importants, des beaux buts de Retegui sur penalty pour commencer à la demi-heure de jeu. Il y avait 15 euros à la mi-temps et puis ça a défilé vite. Dès le début de seconde période, 46e de Rune qui a marqué le 2-0, Zappa Costa après l'heure de jeu 3-0, et puis Lookman vient conclure aussi 4-0, qui vient remporter sa petite pierre à l'édifice. Donc non, vraiment l'Atalanta qui a été énorme. La Juventus défensivement, c'était une catastrophe. Il y avait des largesses défensives, il y avait de l'espace partout. Il y avait le marquage était presque pas présent du tout. Enfin, défensivement, la Juve c'était catastrophique sur ce match-là. Alors c'est pas la première fois de la saison non plus, mais voilà, dans un match capital comme ça, face à un adversaire direct, dans un gros match à domicile. Tu peux pas prendre 4-0 contre l'Atalanta à domicile, mais c'est ce qui est arrivé. Et défensivement, c'est vrai que c'était vraiment une catastrophe côté Juve, et offensivement, au contraire, côté Atalanta, c'était, comme on le voit depuis le début de saison, quand même, offensivement, c'est très fort. Lookman, Retegui, évidemment, Retegui, meilleur buteur de Serie A, donc résultat logique, ça peut surprendre sur papier, forcément, mais l'Atalanta a vraiment un niveau, un écart beaucoup plus fort, beaucoup plus énorme que la Juve ce week-end. Donc voilà, vraiment une Juve très brouillonne, très mauvaise, et un Atalanta exemplaire et énorme, simplement clinique. Ça fait 4-0, et puis au classement, bah voilà, Atalanta qui a une petite vitesse, du coup la Juve. Ouais, puis qui reste accroché aux deux premiers, bah, hein, ça se joue en trois points. Ça, ouais. Peut toujours rêver de titre, ouais. En tout cas, et toujours dans la course. Hein. Et puis ouais. La Juve aurait, c'est vrai qu'avec une victoire, aurait pu encore espérer le titre, hein, puisqu'il y aurait que 6 points, tout était jouable. Hein. Maintenant, ça s'éloigne maintenant, avec 9 points, ça semble très loin. Voilà pour ces matchs, et puis tiens, noter que l'AS Rome a gagné 1-0 à Empoli. Très bon résultat pour l'AS Rome, hein, qui enchaîne une 5e victoire consécutive en championnat. Et à noter que sur les 8 derniers matchs, il n'y a pas de défaite et 7 victoires. Hein. Donc c'est l'AS Rome, c'est vrai qu'on en parle depuis le début de saison, c'est compliqué la saison, ça va beaucoup mieux. Et bah là, clairement, ils peuvent jouer la Ligue des Champions maintenant, avec cette 7e place. Là ? La Ligue des Champions. La Ligue des Champions ? Ah oui, oui. Pour la 4e place, oui. Je crois que tu disais, on est en 7e, ils pourraient jouer la Ligue des Champions. Non. Mais ils sont en course. Oui, bah oui, parce que il y a que 2 points d'écart avec la Juve 4e. Donc effectivement, après, il y a encore du monde aussi autour, hein, mais effectivement, ils frappent très fort. Et c'est vrai qu'on va un peu plus les surveiller, enfin les surveiller de plus près sur cette fin de saison, ouais, effectivement. Ouais, c'est bon, à voir, à suivre. Voilà pour ces rencontres. Et puis la Lazio donc qui joue en ce moment face à Udinese pour la dernière rencontre de cette journée. C'est la pause 1-0, 1 partout. Ça va reprendre d'ailleurs dans quelques secondes, hein, ces rencontres. Et puis pour ça va être la pause dans les autres matchs Angleterre-Espagne. Pas de but pour l'instant. Non. Très, ouais. très faible. Total de buts pour l'instant dans ces 4 rencontres. Voilà pour l'Italie. Bien sûr, on regarde ce qui nous attend ce week-end pour la 29e journée. Bien sûr, on aura dimanche Atalanta-Inter qui nous attend. Ça, c'est capital pour la course au titre, effectivement. Et oui, puisque Bergame, avec sa différence de buts favorable à l'Inter, peut repasser devant. Donc important, Naples de son côté ira à Venise, c'est ça. Hein. Oui, je suis plus devant là, j'ai regardé la Ligue des Champions. Pardon, excusez-moi, est-ce que vous avez réveillé, hein. Non, parce que je regardais quand est-ce que jouait l'Inter, du coup en Ligue des Champions pour donc ouais, il y a un jour mardi où l'Inter, donc parce que l'Atalanta joue plus rien, ouais. N'est plus. Hein. Non, parce que je me disais que l'Atalanta peut. Oui, c'est que oui. Est presque un petit favori, surtout avec la grosse perte de ce week-end à la Juve. Oui, bien sûr. Est presque un tantinet favori dans ce week-end. Et donc oui, Naples. Oui, Naples à Venise, oui. Voilà, qui est avant-dernier. Donc c'est vrai que pour Naples, il pourrait presque espérer un nul entre ces deux-là pour essayer de prendre seul les commandes, donc ils sont attentifs à cette rencontre, bien sûr. Et puis pour le reste, y a pas de grosses rencontres à part celle-ci. Hein. Peut-être un Juve Fiorentina, voilà, si même la Fiorentina qui est un peu moins bien, qui veut essayer de se relancer, pourquoi pas. Surtout que voilà, si la Juve est un petit peu la tête. Après, dans la course à la Ligue des Champions, il y a Bologne Lazio aussi, hein, le 6e contre le 5e. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai, exactement. Ouais, tout à fait. Ça peut être intéressant. À suivre donc tout le week-end. Et puis pour le Atalanta Inter, c'est bien sûr dimanche à 20h45. Il n'y aura pas de match lundi prochain. Je crois qu'il n'y aura pas de match du tout, puisque ça va être la trêve internationale. Donc tous les matchs se termineront le dimanche, j'imagine. À confirmer, mais il me semble que ce sera ça. Oui, ce sera ça. Il n'y aura pas du tout de match lundi prochain en direct. On va en Espagne. Alors, deux rencontres, bien sûr, puisque le Barça n'a pas joué. Match a été reporté, son match. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Je l'ai su, mais. Parce qu'il y a eu la mort d'un de leurs médecins du staff. Ah, voilà, c'est ça. Qui est survenu le jour même ou la veille. Non, le jour même, justement, je crois qu'ils l'ont appris le jour même. Ouais. Et du coup, ils ont reporté le match, mais vraiment à 10-15 minutes du coup d'envoi, en plus. Donc, c'est ça. C'est passé à ce moment-là. Donc, ouais, face à Osasuna, donc match reporté. J'ai oublié son nom. On pense à lui quand même, on pense à sa famille. Je pense pas qu'il nous écoute, mais son prénom, c'est Carles, comme Carles Puyol, mais je me rappelle plus de son nom de famille, par contre. Bon, bah, en tout cas, Carles Minaro, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, match reporté face à Osasuna. Donc, on avait le Real qui. Alors d'abord l'Atlético, pardon, dans le historiquement, dans chronologiquement, c'est le d'abord l'Atlético qui joue à Retafe. Très mauvais résultat pour l'Atlético, hein, qui perd 2-1 et donc en plus qui un scénario fou, hein, qui a mené assez tard, mais 75e, et puis qui a tout perdu dans les 5 dernières minutes, hein, et qui perd du coup cette rencontre très importante. Oui, ouais, effectivement. Alors après, pour moi, de par la physionomie du match, la victoire de Retafe dans ce derby est quand même logique, parce que Retafe a été solide, a été beaucoup plus efficace et dangereux que l'Atlético, même si l'Atlético a eu évidemment des occasions, notamment en première période, mais franchement, ça n'a jamais été assez dangereux, assez bon dans le dernier geste aussi. Retafe a été ouais, plus dangereux, c'est procurer les meilleures occasions dans ce match, et puis oui, jusqu'à enfin les conclure, justement, en toute fin de partie, tu l'as dit, avec une égalisation d'Arambari à la 89e, et puis le doublé pour Arambari quelques minutes plus tard dans les arrêts de jeu à la 90+3. Donc faut à nouveau un mauvais résultat pour l'Atlético, qui justement a pris ces deux buts là juste après avoir reçu un carton rouge pour Unreal Correa à la 88e. Alors que Charlotte a ouvert le score sur penalty à la 75e, mais Retafe a été beaucoup plus dangereux, a tiré beaucoup plus de points au but que l'Atlético. Et ouais, un Atlético inoffensif, mis à part donc sur ce penalty là. Et ça fait un 2-1 logique, comme je le disais, dans ce derby de Madrid. Donc encore un mauvais résultat pour l'Atlético. Et comme je le disais il y a encore deux semaines, de toute manière, depuis que leur bonne série a pris fin il y a quelques mois là, de leur série historique de matchs sans défaite, de victoires, etc. Bah depuis, c'est vrai que c'est très moyen et toute l'équipe est affectée. Et Griezmann, encore une fois, a été assez transparent dans ce match. Donc voilà, c'est quand même 16 ballons perdus, c'est 2 hors-jeu, c'est 0% de tir cadré, c'est un seul tir tenté dans ce match-là pour Griezmann. C'est vrai que c'est un moment très compliqué pour Griezmann en ce moment, depuis plusieurs matchs, et pour pour l'Atlético aussi, je trouve, j'ai mal à le dire, l'Atlético. Et voilà, puis ça fait des points de perdu, mine de rien, pour la première place, parce qu'ils auraient pu récupérer cette première place, bien sûr, en gagnant ce match. Oui, en plus, ils vont recevoir le Barça dimanche. Hein. C'est ça, et le Barça qui a du coup ce match en retard là, ce week-end. Donc c'est vrai que c'est l'Atlético avec quand même l'opportunité d'aller chercher cette première place au moins après ce week-end. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est raté, puis le Real en a profité, bien sûr, après, en battant le Rayo Vallecano 2-1. Un but de Mbappé. Et très rapidement après, un but de Vinicius, magnifique en plus. Exactement, les deux joueurs en forme, vraiment, hein, je le disais tout à l'heure aussi quand on parlait de Ligue des Champions, Mbappé qui nous fait une petite joga bonito aussi dans la surface, petit crochet avec de la réussite, contre-favorable, et il va placer une frappe, comme il a l'habitude de les placer, bien dans le petit filet opposé, en pleine puissance, à la 30e minute de jeu, 1-0, et Vinicius 4 minutes plus tard, alors lui aussi, pareil, joga bonito un peu dans la surface, il dribble, enfin il fait même le tour, il tourne un peu en rond autour de plusieurs défenseurs, et il dribble 2-3 joueurs dans la surface, et puis il va, pareil, placer une bonne frappe, la frappe est détournée par le gardien, mais dans les dribbles, en tout cas, n'a pas eu de compte favorable. Hein. Il a vraiment réalisé ça tout seul et marqué un très beau but aussi, effectivement. Donc c'est 2-0 déjà à la 34e minute de jeu dans cet autre derby madrilène, justement. Et un petit but vers les canaux quand même, juste avant la pause, dans les arrêts de jeu. Et le Real qui n'a plus marqué ensuite, qui a été quand même dangereux encore une fois. Mbappé aurait pu marquer une nouvelle fois, Vinicius aussi. Mais ils ont pas su remettre le couvert. Mais globalement, petite victoire du Real, un seul seul but d'écart, mais globalement c'est une victoire méritée quand même pour le Real qui permet voilà, de rester deuxième. Voilà, c'est vrai que ce goal à Verage qui est quand même large avec le Barça, c'est quand même comme un point de plus pour le Barça, un point de moins pour le Real quoi. Alors attention, en Espagne, c'est goal à Verage particulier qui conseille les confrontations directes. Hein. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est comme ça en Espagne, c'est vrai, exact. Donc exact. Le Real a gagné, a battu le Barça à l'aller 4-0, a perdu 4-0 à l'aller. Ouais. Donc le Barça, de toute façon, est largement devant. Mais le Rayo qui a quand même fait beaucoup de mal au Real dans ce match-là. C'est quand même 20 tirs. Hein, oui. 20 tirs à 10 hein, pour le Rayo Vallecano quand même. Donc c'est vrai que le Real aurait pu vraiment. Enfin, c'est fait peur quand même, mine de rien. Ils ont maîtrisé ce match, mais en même temps, ils ont quand même beaucoup subi. Mais ils ont quand même été meilleurs à la fin. Quoi. Mais bon, c'est vrai que le Real aurait pu se faire peur, aurait pu perdre des points aussi. Donc le Barça reste leader sans avoir joué, 57 points. Le Real est également deuxième avec 57 points. L'Atlético, du coup, 56 points. Puis après, il y a un vrai écart. Atlético Bilbao, 49. Puis le Real, 44. Voilà, derrière, on ne joue plus le podium. On a en bas, donc pour l'instant, Alaves, Las Palmas. Et puis Valladolid, avec 16 points, voilà, qui est déjà pratiquement relégué. Hein, 11 points de retard sur les Ganes, sur le premier non relégable, ça semble déjà très loin. Un coup d'œil, donc, si nous attendons bah, ce week-end, je vous l'ai dit, Atlético Barça, c'est dimanche à 21h. Et puis le Real ira à Villarreal. Ce sera samedi. Qui est cinquième, hein, quand même. Hein. Qui est cinquième, qui joue clairement la Ligue des Champions. Les quatre premières places hein, sont en vue. Donc attention à cette équipe de Villarreal. Donc ce sera samedi à 18h30 pour cette rencontre. Voilà pour l'Espagne. Et finissons ce tour d'Europe avec l'Angleterre. L'Angleterre avec toutes les rencontres, il y a eu encore pas mal de beaux matchs dans ce championnat anglais. Donc démarrons avec qu'est-ce qu'on a pour démarrer Liverpool qui jouait non City d'abord qui jouait oui gros match hein, entre Forest, Nottingham Forest et City. Deux prétendants au podium clairement. C'est Nottingham Forest qui fait la belle opération en s'imposant 1-0 en but en fin de rencontre. Ouais, pas un énorme match, assez ouvert quand même. City a quand même eu le ballon, bien sûr, comme souvent, malgré cette méforme depuis pareil quelques mois, bien sûr. Mais City a plus tiré au but que Nottingham, mais City n'a pas été très dangereux. Haaland aurait quand même pu marquer, notamment première période. Ça passe pas très loin une ou deux fois quand même pour lui. Mais il est pas non plus dans une excellente forme lui aussi, le numéro 9 norvégien. De Bruyne aurait pu marquer aussi sur coup franc en fin de match, même si bon, la frappe était un peu trop centrée, donc c'était pas non plus extrêmement dangereux. Mais ouais, City n'a pas été très fort malgré cette légère domination dans ce match. Et bah ouais, Forest on a profité en fin de match, tu l'as dit, avec ce but, ce seul but du match, d'Hudson Odoi à la 83e. Et bah ouais, grosse opération de Nottingham pour rester sur le podium, pour rester sur cette troisième place qu'ils ne veulent pas lâcher effectivement, et City qui est une nouvelle fois ralenti et en même temps c'était pas immérité, donc c'est normal que City perde ce match face à Forest. Malgré cette légère domination, Forest a été plus réaliste sur ce match. 1-0 donc victoire de Forest. Liverpool le jouait ensuite face à Southampton, l'occasion de rester avec cette belle avance en tête. Ça n'a pas été compliqué pour Liverpool, même si ils étaient bien 0 quand même. Mais dans la deuxième période, eh bien le show Salah qui a permis aux Reds de s'imposer avant de recevoir le PSG demain. Ouais, c'est ça. Bah ouais, une première mi-temps où Southampton a ouvert le score, tu l'as dit, juste avant la mi-temps. Hein. C'était 45e plus 1 grâce à un but de Smallbone et Liverpool qui a vraiment pas été bon dans cette première mi-temps. Ils ont quasiment rien réussi. Offensivement, c'était assez neutre. Pas grand-chose de proposer. Défensivement, c'était pas dingue non plus. D'ailleurs, ce but de Southampton, c'est quand même une petite erreur d'Alisson aussi, qui pourtant a été grandiose, on l'a dit, face au PSG au Parc mercredi dernier. Et puis, ça a été, oui, un peu mieux en seconde période, avec déjà une égalisation rapide à la 51e de Nunez. Et puis, un doublé de Salah les deux fois sur penalty. 55e et 88e, donc ils ont vite quand même repris l'ascendant dans ce match. Mais en première mi-temps, c'était assez délicat, c'était assez inquiétant pour Liverpool. Donc c'est quand même pour ça qu'effectivement, il faut garder beaucoup d'espoir côté parisien. S'ils réitèrent leur bonne performance de la semaine dernière, Liverpool peut avoir, même malgré cette saison de monstres qu'ils nous font, peut avoir des moments de flottement et où ils sont en dessous de leur niveau. Donc il y a la place pour PSG, c'est une belle victoire pour Liverpool ce week-end quand même, même si voilà, il y a eu des phases inquiétantes pour les Reds. Oui, exactement. Il faudra profiter pour pareil demain. Chelsea hier recevait Leicester pour rester proximité du podium, en tout cas sur les places de Ligue des Champions. Victoire 1-0, strict minimum, mais ça suffit pour prendre ces 3 points. Ouais, parce que Chelsea a dominé ce match de fond en comble, ils ont tiré 20 fois au but, mais même chose, pas très inspiré offensivement, mine de rien, malgré ces frappes-là, pas non plus des grosses occasions. Il y a ouais, juste eu cette belle frappe de Cucurella à l'heure de jeu, qui leur a permis de remporter ces 3 points-là. Chelsea n'a pas été grandiose, mais face à Leicester, qui, pareil, n'est vraiment pas une bonne équipe de championnat là, depuis leur retour en première ligue, ça reste avant-dernier Leicester, avec 17 points. Donc, Chelsea a tranquillement quand même maîtrisé ce match, mais a manqué de créativité et d'efficacité, surtout dans le dernier geste aussi. Donc, ça fait que 1-0 pour Chelsea, mais ça reste 3 points, bien sûr, importants dans la course au podium, et toujours pour accrocher cette Ligue des Champions. Et puis enfin, on avait United Arsenal hier. Petit accro pour Arsenal qui laisse clairement filer Liverpool maintenant. Pour United, c'est un point là, qui ne va pas servir à beaucoup pour aller chercher mieux dans cette saison. Et qui peut-être ils ont hâte de qu'elle se termine cette saison, les Mancuniens. Ouais, mais ils ont fait un bon match, honnêtement. Ils ont vraiment fait du mal aux Gunners, justement. Avec notamment ce but, cette ouverture du score de Fernandez juste avant la mi-temps, à la 45e plus 2 sur un très très beau coup franc, très bien placé, très très beau but de Fernandez, très beau coup franc. Puis United a continué, franchement ils ont été dangereux dans ce match, ça faisait un peu de bien aussi de les revoir un peu dans une forme comme ça, surtout que même depuis l'arrivée de Ruben Amorim sur le banc, c'est très compliqué, il y a très peu d'idées. Mais ils ont su embêter Arsenal qui a quand même réussi à revenir grâce à un but de Rice, un partout à la 74e, et Rice qui a d'ailleurs était salvateur aussi en toute fin de match, qui est venu tacler dans les pieds, je crois, dans la surface. Alors, je sais plus c'était quel joueur de United, je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, donc je vais rien dire, mais qui a évité quand même une défaite. Mais Arsenal, avec ce point du nul, dit officiellement quand même adieu au titre, 15 points de retard sur Liverpool. Là, c'est mission impossible. Oui, très clairement. D'autant qu'il ne reste que 18 à prendre. Donc, Liverpool, ils ont un match d'avance, certes, mais pour être titré peut-être dans 2 matchs. Ça va être un peu à l'image, on en parlera de Paris en Ligue 1. Il reste 18 à prendre des points, t'as dit ? Ils sont en format 38 journées. J'étais sur le format 34 journées, mais non, ils en ont 38 encore en Angleterre, donc oui, il y a un peu plus de points à prendre, mais certes. 30. Oui, mais ça reste. Ça reste compliqué, parce que Liverpool, à moins que Liverpool perde les 9 prochains matchs. C'est ça. Mais bon. Ça me paraît compliqué. Pour cette journée. Donc, Liverpool, tu l'as dit, 15 points d'avance sur Arsenal, 70 pour 55. Nottingham, 51. Il reste bien placé, Même s'ils ont traversé une série compliquée, il y avait 3 matchs sans victoire, dont 2 défaites, ça va mieux. Du coup, ils se relancent en battant en plus City. Chelsea reste 4e, 49 points. City reste bloqué, du coup. 47 points, très irrégulier, on le voit, une victoire, une défaite, ça peut pas faire mieux que 5e. Brighton qui est bien, 6e, 46 points. Là, ça enchaîne bien aussi, donc ils peuvent aller chercher mieux aussi, peut-être Brighton, à voir. Soit une Villa 7e, et puis plus bas, beaucoup plus bas, United 14e, 34 points. Et puis le relégable, Ipswich, Leicester. Alors Southampton, 9 points seulement. 2 victoires, 3 nuls, 23 défaites, c'est incroyable cette saison de Southampton. Qui a 14 points de retard sur Wolverhampton, qui est le premier non relégable. C'est fou quand même. Ouais, là aussi, c'est mission impossible. C'est terminé. Ouais, on n'en parle plus. Là, dans 3-4 journées, ça peut déjà être fini pour Southampton. Oui, de toute façon, c'est mission impossible. C'est impossible, clairement, très clairement. Pour ces matchs de la journée. En Angleterre et en direct, donc c'est la mi-temps toujours. De toute façon, tu nous tiens informés sur cette rencontre. Ouais. Alors qu'il y a bien bougé, en Ligue 2, il s'est passé beaucoup de choses pendant qu'on a débriefé ce match en Angleterre. Rodez mène 3-1, alors qu'ils étaient menés 1-0 à la pause. Alors on n'en a pas parlé, mais Dunkerque avait ouvert le score très tôt, 10e minute, mais il y a eu un carton rouge ensuite pour Dunkerque, 27e minute. Et, depuis, et donc du coup, après la mi-temps, 3 buts en 4 minutes pour Rodez. 52, 54, un doublé pour Ben Taïeb, et 56. Voilà, donc en 4 minutes, ils ont pris le large. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce rouge qui a dû les aider, mais à 3 buts en 4 minutes. Et du coup, le match est complètement inversé. Et hein, il reste une demi-heure, donc Dunkerque qui fait vraiment une très très mauvaise opération, on l'a dit, qui pouvait en cas de victoire tout simplement revenir troisième. C'est évidemment raté pour Dunkerque pour l'instant, et puis Rodez qui peut prendre 3 points très importants pour le maintien. Un coup d'œil notre journée de première ligue qui nous attend ce week-end. Donc on a Arsenal-Chelsea, hein, ce derby londonien qui nous attend dimanche. Ouais, on a, je parlais de Brighton tout à l'heure qui a encore des choses à jouer. Il se déplace à City samedi à 16h. Ouais, ce sera une belle rencontre. Brighton qui peut passer devant City, hein, donc ouais, c'est vraiment une rencontre qui va compter. Et puis donc Arsenal-Chelsea qui peut se rapprocher d'Arsenal en cas de victoire, hein, ça va être un beau match. Et puis donc on aura alors dimanche. Vous le voyez, Liverpool n'est pas là, puisque dimanche, Liverpool va jouer la finale de la Coupe de la Ligue face à Newcastle. Voilà, donc ce sera 17h30. Voilà pourquoi il n'y a pas de match dimanche après-midi donc en Angleterre, en Première Ligue. Donc est-ce qu'il y aura Liverpool-Newcastle en finale de la Coupe de la Ligue. Peut-être premier titre de la saison pour Liverpool. Avant, probablement, hein, on va pas se cacher, celui de Première Ligue. Et puis bah peut-être un troisième avec Ligue des Champions, on espère pas, mais ils sont en tout cas encore en course pour se tripler les Reds. Donc à suivre donc dimanche cette finale de la League Cup en Angleterre. Voilà pour notre tour d'Europe. On va pouvoir enchaîner avec la Ligue 1 maintenant. En tout cas tout ce qui s'est passé en France, avec un mot d'abord de national pour vous donner les résultats de cette journée, la 24e journée. Match nul pour Orléans, un peu cruel 2-2. Orléans qui menait 2-1 et qui s'est fait rejoindre en deuxième période alors qu'il jouait à 11 contre 10. Donc match pas un super match, un super point en tout cas, puisque devant les points ont été pris pour les autres. Donc il reste 4e Orléans avec 36 points, Le Mans 3e 38 points, Boulogne 40 points, et puis en tête Nancy 42 points. Donc voilà, il y a un petit écart quand même pour toutes ces équipes. Il faudra faire mieux donc ce week-end, puisque ce sera la 25e journée. Ce sera la réception de Boulogne-sur-Mer à 19h30, donc match ô combien important pour Orléans, puisque Boulogne est 2e avec 4 points d'avance. Une défaite et ça sera peut-être pas loin d'être fini pour Orléans, qu'il faudra absolument absolument gagner cette rencontre donc de vendredi. Je vous rappelle qu'il aura lieu à 19h30. La Ligue 2 maintenant, avec un point sur ce qui se passe après 26 journées. Lorient reste en tête de cette Ligue 2 malgré une défaite face au Paris FC. Du coup, qui revient à hauteur. C'était vraiment le match du week-end en Ligue 2. 3-2, victoire du Paris FC dans ce choc. 52 points pour Lorient et 52 points pour Paris FC. Et puis Metz qui fait une bonne opération en battant Annecy 5-1 et qui prend la troisième place. Qui en prend la place de Dunkerque, qui risque de rester quatrième du coup. Et puis en bien plus bas, Guingamp 42 points. Donc voilà, le trou est fait pour les 4 premiers. Dunkerque qui perd très très gros du coup, avec pour l'instant cette défaite qui se profile. Voilà pour la Ligue 2. Et puis en bas, on retrouve pour le moment Rodez qui peut faire une belle opération pour l'instant si ça se confirme. Clermont, Martigues et Caen qui est toujours bon dernier, et ça va être très très compliqué pour ces Canets. Et clôturons avec la Ligue 1 avec cette journée, la 25e journée. Voilà, c'est 9 matchs. Vendredi, d'abord, on avait Monaco qui se déplaçait à Toulouse avec la ferme intention de gagner pour enfin se relancer après quelques trous d'air ces dernières semaines. Et Monaco qui pensait tenir une victoire importante. Et finalement, bah, il a fallu attendre la 91e minute pour voir une boulette hein, de Maïski, le gardien monégasque. Et Toulouse revient partout. Et c'est dur pour Monaco là, qui perd encore de précieux points pour la course au podium. Ouais, ouais, non, mais j'aime bien te laisser parler pour Monaco. En tant que monégasque, tu peux nous faire un petit débrief de ton point de vue. Mais c'est vrai que ça va quand même mal hein, en ce moment. Ça fait plusieurs semaines déjà. Ça avance plus, quoi. C'est, ouais, c'est ça. Ça tourne au ralenti. Ça reste toujours aux quatre premières places. Mais c'est vrai qu'il y a eu la défaite face au PSG, ça qui était logique. Il y a eu la défaite face à Lille qui a fait mal. Et puis là, on pensait relancer après la victoire face à Reims. Mais voilà, ça retourne un petit peu dans ses travers. Et voilà, c'est clairement une erreur en fin de match, mais il y a eu des occasions de mener 2-0 hein, en fin de match, et puis après on a cette erreur de Maïski qui coûte cher, hein, puisque voilà. Maïski et Kerrer, quoi. Kerrer, c'est pas l'assurance touriste non plus. Non, c'est clair, et ça coûte très cher puisqu'on va le voir. Hein, Lille a gagné, Nice a perdu. Hein, c'était l'occasion de revenir. Marseille également, donc c'est vraiment deux points perdus bêtement pour ce podium voilà, qui est toujours en vue, mais c'est compliqué pour Monaco. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Non, pas spécialement, ouais, non, mais encore des points perdus, tu l'as dit. En plus, la concurrence directe pour la plupart, oui, a perdu, tu l'as dit, l'OM, Nice, donc effectivement, c'était un peu le bon week-end pour Monaco pour reprendre des points, pour se remettre un peu à la tête à l'endroit. Ouais, c'est un peu sur un fait de jeu comme ça, ouais, sur une boulette de la défense, du gardien, tout ça, ouais. Bah, tu perds deux points, quoi, donc effectivement, tu peux t'en bouffer les doigts et peut-être encore plus en fin de saison aussi. Ouais, on verra. Il y aura Nice la semaine prochaine, donc ce sera clairement un tournant dans cette saison. On verra, on aura déjà cette journée du week-end, et puis après la trêve, il y aura du coup cette rencontre décisive. On avait Paris donc qui se déplaçait à Rennes. L'entre-deux tours de Ligue des Champions, voilà, ça s'est bien maîtrisé pour Paris. Donc il se rassure en plus avec un Dembélé qui a été buteur deux fois. Et voilà, ça reste un Paris invaincu et qui en plus on va le voir a pris clairement le large au classement. Oui, bah oui, bon ça, c'est déjà le cas. Le PSG qui a fait son match, le job qu'on attendait. Ils ont tranquillement maîtrisé ce match, cette première période, avec cette ouverture du score de Barcola à la 27e. Gonzalo Ramos qui vient enfoncer le clou 2-0 à la 50e. Et puis, il y a cette réduction du score quand même de Lilian Brassier, côté Rennais, quelques minutes plus tard, à la 53e. Et puis, Rennes a eu ensuite un bon temps fort où ils auraient peut-être pu même espérer égaliser carrément à 2-2. Chose qu'ils n'ont pas su faire. Et au final, le PSG a un peu repris la main, a remis le pied sur le ballon. Et puis accélérer en fin de match quand Rennes s'est un peu essoufflé. Et puis Dembélé a marqué encore une fois un doublé à 90+1, 90+4. Voilà, il s'est dit qu'il n'avait pas marqué du match. Il a fait le job dans les derniers instants. Et puis ça fait une victoire mine de rien, très méritée bien sûr. Et puis encore une large victoire pour PSG, 4-1. Tu l'as dit, qui était déjà envolé au classement. Mais qui l'a encore plus, et encore plus avec, on va en parler après, la défaite de l'OM. Donc... ça fait 16 points d'avance pour le PSG maintenant, donc c'est la balade des Parisiens heureux en Ligue 1. Exactement, toujours invaincu. D'ailleurs, l'objectif, il est toujours possible. Et puis avant Marseille, la défaite donc de Marseille, la victoire de Lille face à Montpellier. Et voilà, c'était important de gagner, hein, puisque voilà, pour pas laisser filer les équipes du podium. Victoire importante face au dernier de Ligue 1, 1-0 seulement. Mais voilà, c'était pareil, il fallait gérer cette rencontre entre les deux matchs de Ligue des Champions, et ça a été le minimum, mais c'est important après le match nul de Monaco pour revenir tout simplement à égalité avec Monaco. Ouais, ça je pense, le fait de gérer ce match entre les deux confrontations contre Dortmund, ça explique pourquoi Lille ne s'impose qu'un 0 contre cette faible équipe de Montpellier qui enchaîne d'ailleurs sa 6e défaite consécutive là en championnat. Oui, Lille a joué, on va dire, un petit peu au ralenti, mais ils ont quand même globalement maîtrisé cette rencontre, bien sûr. Ils ont eu quelques occasions, pas énormément des franches et nettes, mais il y a eu ce but suffisant de Jonathan David à la 50e qui permet à Lille de prendre 3 précieux points avec ses défaites de Nice, que le point de vue glané par Monaco, Lille recolle justement à Monaco. Donc c'était 3 points importants et plutôt un match bien géré justement avant le match retour contre Dortmund. Donc oui, petit match, mais 3 points importants et la victoire était le principal à aller chercher pour les Lillois samedi. Et puis donc on avait Marseille ensuite qui pouvait profiter de la défaite de Monaco, le match de Monaco, pour prendre un peu plus d'avance. Et raté, défaite même face à Lens dans les dernières secondes et malgré une nette domination dans cette rencontre. C'est un peu le syndrome Benfica Barça, PSG Liverpool, tout ça, Marseille qui a largement dominé ce match et de bout en bout, même si Lens s'est un peu réveillé en seconde période, oui, mais voilà, ça reste 15 tirs à 3 à la fin pour l'OM. Mais voilà, l'OM qui n'a pas su concrétiser, qui n'a pas su transformer ses actions. Lens qui vient nous punir par l'intermédiaire d'El Ainaoui, c'est-à-dire à 90+4. On a payé nos petits errements dans le dernier geste de Guiri, de Nadir aussi, enfin tout ça. Donc c'est malheureux, c'est 3 points de perdu pour l'OM, vraiment, parce qu'il y avait au moins la victoire qui devait être méritée sur la physionomie du match. Mais encore une fois, dominer n'est pas gagné, c'est con, enfin c'est bête à dire, mais voilà. Et Lens réalise un petit hold-up comme le Barça la semaine dernière et comme Liverpool la semaine dernière aussi face au PSG. Donc un peu le même scénario. Exactement. 3 points importants qui filent entre les doigts des Marseillais. Hier, Brest qui recevait Angers avec l'occasion de reprendre des points. C'est vrai que sur les 3 derniers matchs, il n'y avait eu que 2 points de prix. Il fallait prendre des points là pour essayer de sortir un petit peu de ce ventre mou et face à Angers qui est une équipe qui allait pas bien et ça a fait le bon match en marquant deux fois et du coup on reprend la 9e place aux côtés de Lens grâce à ce succès. Ah, c'est ça, Brest qui renoue avec la victoire un mois après sa dernière victoire justement, c'était à Nantes, 2-0 déjà le 7 février. Et depuis, toute compétition confondue, il y avait eu 6 matchs sans victoire, dont 4 défaites, dont les 2 contre Paris en Ligue des Champions. Mais en championnat, il y avait eu cette défaite à Lyon la semaine dernière. Il y avait eu le match nul à Strasbourg et Auxerre avant. Donc ça fait du bien pour Brest. C'est un peu le match idéal pour se relancer. Ils ont fait le job. Ils ont été dangereux sur beaucoup de leurs occasions. Ils ont vraiment mis en danger le but angevin et oui, c'est une victoire vraiment méritée pour les Brestois et voilà, ça leur permet de s'installer bien à la 9e place, on va dire d'assurer quand même, je pense, son maintien aussi, on va dire à 100%. Et ça va rester compliqué pour essayer d'aller accrocher une place européenne, mine de rien, mais c'est encore possible. Hein, ils ont que 6 points. Il reste plus énormément de matchs non plus, mais voilà, il y a encore que 6 points. Par rapport à Lyon qui est 6e, si la 6e place peut devenir européenne. Donc c'est un bon résultat quand même pour Brest et dans les têtes aussi ça peut faire du bien. Maintenant il n'y a plus que le championnat à jouer, donc va falloir continuer comme ça sur cette lancée et peut-être que c'est justement le début du rush final et va falloir continuer comme ça pour Brest. Ils ont fait un bon match, une bonne performance. On avait Nantes Strasbourg ensuite, Nantes toujours sous la menace de cette zone rouge à proximité. Et pour Strasbourg, l'occasion était là pour prendre encore des points importants pour croire toujours à l'Europe. Chose faite pour les Strasbourgeois qui s'imposent sur la plus petite des marges, 1-0. Mais Strasbourg reste dans le coup et peut-être faire une fin de saison canon pour aller accrocher quelque chose. Ah ouais, parce que finalement on n'en parle pas tant que ça, mais c'est vrai que Strasbourg réalise quand même une grosse saison, parce que Strasbourg 7e, c'est pas arrivé extrêmement souvent ces dernières années. Peut-être une saison où Strasbourg était quand même assez costaud aussi. Je sais plus c'était quelle saison exactement, mais c'est vrai que Strasbourg là quand même réalise de très jolis coups depuis quelques temps maintenant. C'est une seconde victoire d'affilée, rien d'exceptionnel, mais c'est surtout un 5e match sans prendre de but pour Strasbourg, donc c'est vrai qu'ils sont vraiment dans une très bonne forme. Avec un Bakwa, le latéral droit qui est vraiment en très grande forme, et Mega qui n'a pas marqué mais qui est aussi en très grande forme, le buteur strasbourgeois, le numéro 10 qui joue en pointe, et voilà, mais même Leandré Santos qui est toujours très bon, même Diego Moreira qui est pareil toujours très bon. Donc ouais non, c'est un très bon Strasbourg, Nantes, voilà, au contraire, qui est quand même voilà, pour qui c'est très compliqué quand même, voilà, Strasbourg réalise une bonne opération aussi. Et c'est logique de les voir s'imposer dans ce match-là où ils ont quand même bah, maîtrisé de bout en bout cette confrontation-là, même si sur le plan comptable, Nantes a plus tiré au but que Strasbourg sur ce match, mais victoire méritée des Alsaciens. Victoire donc 1-0 de Strasbourg à Nantes. Auxerre, Auxerre qui n'était voilà, pas dans une grosse forme ces dernières semaines, qui s'impose à Reims, là, qui est toujours à la sous la menace aussi de la relégation. 2-0. Voilà, Auxerre qui a fait le job, qui était efficace, qui a marqué deux fois assez rapidement, puis qui a ensuite bien géré cette avance. Ah ouais, Auxerre qui a marqué, oui, deux fois rapidement. 15e minute, 24e minute, parce que Reims a vraiment pas été bon dans la première période, avec beaucoup d'armements défensifs, et puis ils ont été punis à chaque fois, enfin quasiment à chaque fois en tout cas, par cette équipe auxerroise qui, tu l'as dit, n'était pas non plus dans une grosse forme, mais Reims il n'est pas non plus du tout, donc Reims c'est vrai que c'est assez catastrophique là, à force, ça devient très compliqué. Donc Auxerre ouais prend 3 points entre guillemets faciles, même si Reims a un peu fait peur quand même aux Auxerrois en seconde période en touchant notamment 2 poteaux. Mais Auxerre ouais, fait le job. Voilà, quand même su tirer bénéfice de ce match-là relativement maîtrisé. Reims aurait pu quand même espérer au moins marquer un but. Peut-être pour le goal average, ça aurait pu faire du bien. Toujours un but de prix, ça peut toujours être ça à la fin de saison. Mais ouais, résultat logique, Auxerre s'impose à Reims 2-0, c'est normal. Et c'est vrai que Reims, c'est un petit peu pire quand même de match en match, même si, j'ai dit, il y a eu du mieux en seconde période, la première mi-temps était quand même vraiment pas bonne du tout, quoi. Et là, c'est Reims qui est sur une grosse... Ah, et ouverture du score, hein, côté Newcastle de Bruno Guimaraes. 63e, ça fait 1-0 pour Newcastle, hein, qui poussait pas mal déjà en première mi-temps. Et West Ham qui avait quand même une grosse occasion, mais là, c'est Guimaraes qui ouvre le score pour Newcastle, ça fait 1-0, 63e minute. Je disais oui, Reims là, c'est une série 6 défaites consécutives en championnat, hein, et ils n'ont pas gagné en championnat depuis. Ils ont qu'un point de plus que le barragiste à vrai. Hein, Oui, leur dernière victoire hein, en championnat, ça remonte très loin puisque ça remonte à la 11e journée, hein, qui a gagné au Havre 3-0. Il n'y a pas eu d'autres victoires en championnat. Hein. Il y a eu beaucoup de nuls, beaucoup de défaites bien sûr, mais oui, il y a très peu de victoires, 5 victoires. 10 novembre. 10 novembre, on en s'en rend compte, c'est fou quand même, c'est incroyable. Il y a eu des victoires après en Coupe de France, mais sinon en championnat, il n'y en a pas eu d'autres. Donc sur cette dernière. Bah, encore, parce que tu regardes la Coupe de France, 16e de finale, 1 partout contre Monaco. 0 but, oui. 8e de finale, 0-0 contre Bourgoin-Jallieu. Oui. Et quart de finale, 1 partout contre Angers. Donc en réalité, la vraie victoire, c'est les 32e de finale de Coupe de France, le 22 décembre. La vraie victoire dans le jeu, oui, c'est 22 décembre. Toutes compétitions confondues. Face à une équipe amateur. Face à Steel Mutzig, oui. Donc oui, c'est fou quand même la saison de Reims, là, qui, malgré tout, est pas encore, est pas relégable, mais c'est quand même très très proche. Le match. C'est fou parce que ça commençait bien quand même la saison pour eux. Oui, oui, ils avaient gagné, ils avaient perdu le premier match, après ils avaient gagné, fait des nuls. Enfin, à la 7e journée, ils avaient perdu qu'un match. Gagné contre Auxerre, fait un match nul contre le PSG, contre Marseille. Ils avaient fait des bons résultats, gagné contre Angers, contre Nantes, contre Rennes, contre Montpellier. Bon, ça c'est pas compliqué, mais. Non, mais puis après, t'as fait cool. Voilà. C'est vrai que c'est. Après, il y a eu deux autres victoires. Puis après, j'ai cette victoire du 10 novembre, puis plus rien. En fait, il y a eu sur les 11 journées, il y a eu les 5 victoires et après ils ont pu gagner. C'est quand même incroyable la série pour cette équipe de Reims. Le Havre Saint-Étienne, le match de la peur. Pas de vainqueur, ça arrange évidemment personne. Un partout, ça n'avance pas beaucoup. C'est Reims qui du coup est content de ce nul, j'imagine. Voilà, entre le Havre et Saint-Étienne, c'est qui avait ouvert le score et puis là, qui a égalisé avant la pause, mais. Voilà, peu de choses encore dans cette rencontre. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu tu vas dire un peu le match de la peur, ouais, c'est ça, entre le Havre et Saint-Etienne. Une première période assez agréable, assez ouverte, avec une ouverture du score rapide de Saint-Etienne à la 10e par Stassin, puis une égalisation de Touré juste avant la pause. Et puis voilà, en seconde période, ça s'est calmé. C'est vrai que peut-être que l'enjeu a un peu pris les deux équipes et c'est vrai que ça s'est calmé. C'était une seconde période un peu terne. Et puis ça fait un partout effectivement qui n'arrange voilà, personne en soi. Hein. À part Reims, c'est mieux que à part Reims du coup effectivement. C'est toujours mieux qu'une défaite pour l'un comme pour l'autre, mais en tant que tel sur qu'un point, c'est pas assez pour chacune des deux équipes. Donc ouais, ça n'arrange personne effectivement, mais ça laisse beaucoup de suspense justement dans la course au maintien pour cette fin de saison en Ligue 1. Tout à fait. Et puis Nice-Lyon. Nice qui avait l'occasion après la défaite de Marseille de tout simplement passer devant Marseille hein, deuxième en cas de succès face à Lyon. Et puis pour Lyon, c'était important de gagner pour revenir sur ces équipes de tableau. Et c'est Lyon qui fait la très belle opération du coup en gagnant 2-0. Ça, il a fallu attendre la fin de match. Mais ultra important de cette victoire qui permet de revenir tout simplement à 2 points de Monaco et de Lille. Ouais, Nice qui aurait pu et qui aurait dû marquer en première mi-temps parce qu'ils avaient quand même plutôt la main mise sur ce match en première période. Ceux qui sont procurés le plus d'occasions et les plus dangereuses. Mais ils n'ont pas su marquer, notamment oui, en cette première période et notamment enfin, un petit même après. Hein. En seconde, même si Lyon a accéléré un peu plus et Nice a levé le pied largement en seconde période, et Lyon on a profité en fin de match, tu l'as dit, but de Cherki à la 78e, et puis dans la foulée, 5 minutes plus tard, Nouama qui vient sceller le sort de cette rencontre, 2-0 pour Lyon. Et ouais, Nice qui perd 3 points, ouais, effectivement, ils auraient pu passer devant l'OM, enfin en tout cas revenir sur l'OM, parce que le Golavérage est toujours favorable aux Marseillais. Donc ouais, c'est très mauvais résultat pour Nice bien sûr dans cette course à la deuxième place, mais Lyon a fait le job quand même, même si Nice a beaucoup plus tiré au but que les Lyonnais, mais Lyon a été réaliste et Lyon reste en course encore pour le podium, pour la Ligue des Champions, pour les Coupes d'Europe, donc très bon résultat pour Lyon mine de rien quand même. Alors le classement après cette journée, le PSG donc on l'a dit 65 points, Marseille deuxième 49 points, Nice est troisième 46 points, Monaco et Lille 44, Lyon du coup revient sixième avec 42, Strasbourg 40, toujours en course. Après bon, il y a un petit écart quand même, on sent là avec Lens, Brest 36, on sent que ça peut encore jouer des choses, mais quand même compliqué. Puis Toulouse Auxerre assez loin, et en bas donc Reims 22, Le Havre 21, Saint-Étienne 20, et puis Montpellier 15. Là aussi ça semble loin déjà pour Montpellier. Alors ça a bougé aussi, alors Rodez mène 4-1 du coup maintenant, le scénario il est pratiquement validé pour Rodez. Tu l'as dit, Newcastle mène 1-0, l'Espagnol Barcelone a aussi ouvert la marque face à Gérone 1-0, et puis en Italie, toujours un partout entre la Lazio et Udinese. Les pronostics, on revient un petit peu en arrière, puisqu'on n'était pas là la semaine dernière, 24e journée, pas mal de beaux scores, 6-5 le score. Pour moi, en ma faveur. Mais, c'est la 25e journée, c'est l'inverse, 4-3 pour toi. Donc, c'est serré, ces journées. On avait déjà eu un point d'écart il y a 15 jours, donc, c'est 3 journées très serrées. Ça se joue à peu de choses. C'est Strasbourg qui te fait gagner, mais il y avait pas mal de surprises quand même, la défaite de Marseille, notamment, ouais. Match de Monaco. Nice, on l'avait mis tous les deux, Nice gagnant, non? Il me semble. On s'est fait avoir et on avait globalement mis les mêmes résultats, enfin en tout cas jusqu'à Brest-Angers. Après il y a eu 2-3 résultats différents, mais c'est Strasbourg qui a fait la différence du coup. Donc victoire 4-3. On va avec la 26e journée maintenant, dernière journée avant la trêve. On y va avec vendredi Nice Auxerre 20h45. Cette rencontre, Nice 3e, Auxerre 11e. Moi, je vais mettre Nice. Je vois bien Nice se refaire. Tout à l'heure, quand on débriefait, je sais plus, Monaco ou Nice, t'as pas dit qu'il y avait Monaco Nice prochain match après la trêve. Ah oui, d'accord, je vais dire. Enfin, oui. D'accord. Nice Auxerre, Nice. Hein, oui. Oui. Ensuite, c'est samedi 17h, on a Nantes. Lille. Nantes 14e, Lille 5e. Moi je vais mettre Nantes. Hein. Je vais mettre Lille, pardon. Je raconte ça. Alors pourquoi pas, hein. C'est ironique ou quand même. Oui, je vois pas. Après, Lille va pas tout jouer en LDC cette semaine. Donc, peut voilà laisser des plumes, peut-être, on ne souhaite pas, mais des blessés. Donc, on ne sait jamais, mais Nantes, c'est quand même faible. Hein. Donc Lille. Bah, moi, je mets Lille, ouais. Ouais. Quand même. À 19h, Angers-Monaco. Angers, 13e, Monaco. 4e qui doit gagner. Moi, je mets Monaco, là, il faut vraiment. Là, il n'y a plus le choix maintenant. Tu ne peux plus laisser de points en route. Hein. Face à une équipe d'Angers ouais. qui n'est pas sauvée, mais qui joue plus grand chose en tout cas. Ouais, Monaco ouais. aussi. 21h, Lens-Rennes, c'est intéressant ça. Lens 8e, Rennes 12e ouais, qui a besoin de points. Lens, ça, c'est compliqué à pronostiquer. Oui, parce que Lens est peut-être encore grappé quelque chose. Là, il sort d'une série de fous là, de défaites, là, ils ont gagné. Mais Rennes n'est pas complètement sauvé, donc j'ai presque envie de mettre un nul moi là-dessus. Je mets un nul. Tu veux me le faire, ouais, bah voilà, bon, bah, écoute, on se suit. Suit, mais ouais. Si fallait un vainqueur, je mettrais peut-être Lens quand même. Là, c'est vrai que cette victoire à Marseille, elle peut leur faire du bien, hein, même si elle est un peu contre le cours du jeu. Ça peut peut-être les relancer. Hein. Et ils voient que devant, c'est pas loin, donc j'ai presque envie de mettre Lens, mais non, parce que Rennes, bah, avant la défaite face à Paris, Rennes était pas mal. Hein. Il y a eu deux victoires. Consécutif, donc. Ah ouais, puis il y a quand même, je pense encore, même, oui, Paris, ça reste un match à part, mais ouais. Il y a quand même toujours un peu l'élan, un peu à Big Bay aussi, je pense. C'est pour ça, ouais. J'ai presque envie de mettre Lens, mais en même temps, Rennes. Non, je reste sur le nul. Ça me paraît. Ouais, moi aussi, parce que je suis un peu comme toi, Lens, je peux les voir jouer. Ouais, ouais. Rennes aussi, donc. Ouais, je mets nul, ouais. Allez, on reste là-dessus. Dimanche, Lyon-Le Havre, à 15h. Lyon est 6e, Le Havre 16e. Moi, je mets Lyon sans problème. Qui joue jeudi, mais bon, ils ont tout de but d'avance. Et puis, Le Havre, c'est quand même très faible. Hein, donc, moi, je mets Lyon. Toi aussi, du coup. Oui. Voilà. Montpellier-Saint-Etienne, tiens, Saint-Etienne, ils ont joué Le Havre, ils vont jouer Montpellier maintenant dans les matchs de bas classés à 17h15. Nouveau match de la peur pour Saint-Etienne. Ouais. Et Montpellier qui peut. Voilà, ils ont plus le choix là. Mais voilà, c'est dur ça. Bah, tu sais quoi, je tente la victoire Montpellier-Rennes. C'est pas idiot. Ce week-end, la défense stéphanoise a plutôt été solide pour le coup. Mais je ne vois pas réitérer spécialement. Montpellier peut avoir des petits sursauts des fois quand même. Je vais tenter Montpellier. Moi je mets nul, allez. Pour qu'on fasse un peu différent parce que là. Oui, c'est possible. C'est possible aussi. En fait, il peut tout se passer, je crois, dans cette rencontre. Oui. Brest-Reims, Brest 9e, Reims 15e là, pour Brest aussi, ça peut, et un peu comme Lens, hein, on peut encore espérer quelque chose, pour ça il faut gagner, et pour Reims, il faut gagner, hein, pour peut-être profiter de ce match entre Saint-Étienne et Montpellier, mais moi je vais mettre Brest, je les vois un petit peu mieux quand même là, cette défaite je pense que ça leur a fait du bien. Ouais, et puis Reims, on l'a dit, hein. Oui, la série, novembre, la série est incroyable. Hein, donc, voilà, après, il faudra bien que ça prenne fin un jour, mais. Ils peuvent faire du comme ça jusqu'à la fin de la saison. Hein. Oui, bien sûr. Mais, non, je vais quand même mettre Brest à domicile. Je vais mettre Brest. Ouais. Strasbourg-Toulouse. Strasbourg 7e, Toulouse 10e. Alors là, pour Strasbourg, c'est vraiment le match qui peut faire basculer les choses. Toulouse, c'est un peu comme d'habitude tous les ans. Ça joue plus rien maintenant. Hein, Donc c'est pas simple ce match. Moi j'ai envie de mettre Strasbourg là, ils sont sur une belle série. Il y a juste eu un nul dans les 5 derniers, mais sinon c'est que des victoires. Et je les vois bien encore gagner pour espérer encore un peu plus, même si ça va peut-être s'arrêter, ça prendre fin cette série quand même. Puis tu vois, Toulouse des fois c'est un peu chiant à jouer, et puis bon. Aussi pour pas mettre comme toi aussi, moi je vois le nul, je vais mettre match nul. Ouais, c'est pas mal, franchement, parce que. Strasbourg, ils ont fait mal à Monaco, ils ont gagné à Angers, ils ont gagné à face au Havre, bon c'est des équipes mal classées, mais ils ont gagné et ils sont pas sur une mauvaise série, donc c'est pas mal ce nul, ça peut très bien se faire. Et puis Paris-Marseille, bien sûr, 20h45, d'ailleurs que vous pouvez voir au cinéma si vous voulez cette rencontre de dimanche. Ah oui, c'est vrai. Bon, je suis désolé. Non, je suis désolé, mais je vais mettre 4-1 pour Paris, moi. Faut être réaliste. Ah ouais, qu'est-ce que je fais? J'écoute le cœur ou j'essaie d'être objectif? Si tu veux perdre un point, tu mets Marseille, si tu veux. Surtout que, comme on a eu beaucoup de matchs pareils, on en a mis 6 pareils sur les 8 là, donc c'est peut-être ce match-là qui va nous départager. Ouais, non, mais je suis une joueur et je peux jamais pronostiquer vraiment contre l'OM, même si c'est le PSG. Je vais pas mettre l'OM non plus, je vais mettre 2 partout. Même ouais. Alors, bon. J'ai, bon. Bon, moi, je prendrais un point gratuit, c'est bien, ça me va. Voilà, c'est ça. Après 4-1, ça peut se faire. Je pense qu'il va être une volée. Hein. 4-1. Bah, j'aurais voulu mettre 4-0, mais. Franchement, Rémi, c'est pour moi, c'est cadeau. Ah ouais, c'est sympa, c'est grand seigneur. Mais j'ai presque envie de mettre 4-0 et voilà, je sais, non, il y a peut-être marqué. Donnarumma va peut-être faire une petite boulette quand même. Oh bah j'espère, ouais. au moins ça pour nous. Voilà, pour allez, l'honneur. Bon, écoute, c'est on a très peu de matchs différents. C'est pas là-dessus qu'on va prendre beaucoup de points d'avance ou d'écart, mais on verra. Et puis on fera un petit bilan d'ailleurs après cette journée, puisque il y aura la trêve ensuite international, donc ça te permettra de faire un point. C'est serré, à mon avis, parce que t'es revenu un petit peu, t'as gagné pas mal de trucs depuis le dernier bilan. Donc, Bah, j'ai gagné ce week-end, mais t'as gagné la semaine dernière aussi. Mais t'avais gagné un petit point à chaque fois. Ouais, t'avais gagné la semaine d'avant. Ouais, c'est serré. À mon avis, ça va être serré. Donc, on va suivre ça. Petit bilan la semaine prochaine. 22h35, on est pas à l'heure. Bon, mais on est pas mal quand même. On vous laisse avec la fin des matchs. Donc Rodez Dunkerque 4-1. Bon, c'est quasiment fait. Il reste quelques petites minutes. West Ham Newcastle, rien n'est fait. 0 toujours pour Newcastle. Il reste ouais un gros quart d'heure, un peu plus peut-être. Si on compte les arrêts de jeu, oui, on peut dire un quart d'heure. Oui. Ouais. On peut dire ça. Même chose en Espagne. L'Espagnol mène 1-0 face à Gironde. Il reste un peu plus d'un quart d'heure. Et puis toujours en D6, ce match entre la Lazio et Udinez, un partout. Il reste pareil quelques petites minutes. Avec Florent Thauvin qui a marqué, tiens d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est lui qui avait ouvert le score donc pour Udinese, capitaine Florent Thauvin. Voilà pour les matchs que vous pouvez suivre jusqu'à la fin de cette soirée. Pour le reste, la semaine qui nous attend, bah, ça démarre dès demain en fait, hein, ça va s'enchaîner des matchs tous les jours quasiment. Hein. Ligue des Champions, donc PSG-Liverpool, c'est demain. Plutôt Liverpool-PSG. Mercredi, c'est Lille qui recevra Dortmund pour essayer de se qualifier. Ce sera la première qualification en quart pour Lille, je sais pas, si j'ai un doute. Oui, c'est ça, il n'y a jamais de qualification en quart. Ça sera la première fois. Ah non, de LDC, non. Ouais, pour LDC. Tu me diras, peut-être même en. Même ailleurs, hein. Tout confondu. Ouais, j'ai l'impression. Donc, peut-être historique moment pour Lille, ce sera mercredi. On a ensuite Lyon qui peut aussi se qualifier pour les quarts en Ligue Europa. Ce sera jeudi à 18h45. Donc, et puis Lille aussi sera 18h45 hein, mercredi. Puis Paris, bien sûr, ce sera 21h. Puis tout le reste des championnats, on vous l'a dit, tout ce qui nous attend ce week-end, plein de belles rencontres qui nous attendent. Voilà. Et puis en Ligue 1, bien sûr, on vous l'a dit à l'instant. On aura du rugby, bien sûr, peut-être le titre pour le 15 de France dans les destinations. Pour ça, il faut gagner face à l'Écosse. Voilà, ça sera samedi à 21h. Donc peut-être moment historique pour la France sur cette rencontre. Et puis Italie, Irlande égale l'Angleterre juste avant. Voilà, pour clôturer ce beau tournoi qui nous aura beaucoup fait vibrer encore cette année. Donc rendez-vous samedi et on aura pas de top 14. Hein. C'était off là pour ces deux dernières journées de Six Nations, donc pas de championnat en parallèle. En tennis, c'est la fin cette semaine du tournoi d'Indian Wells, hein, avec encore un Français engagé, enfin Arthur Fils en tout cas qualifié pour la 8e, et puis Gaël Monfils qui aura l'occasion peut-être de le faire, de l'imiter cette nuit. Donc voilà, pour le tennis. En basket, l'OLB, deux matchs importants cette semaine qui peuvent faire tourner un petit peu encore cette saison. Deux matchs, donc demain à domicile pour cette 27e journée d'abord face à Chalon, et vendredi donc à l'Arena, et vendredi déplacement à Vichy. Voilà, deux matchs qui peuvent compter pour cette fin de saison. Voilà, en Pro B, et puis que vous dire d'autre, du handball, oui, pour Saran, ça avait pas joué hein, puisque ils étaient exempts lors de cette journée, et on aura un match cette fois-ci, ça c'est sûr, pour cette nouvelle journée de Pro League. Ce sera, je vous dis ça tout de suite, pour Saran, la réception de Massy. Ce sera la semaine prochaine, puisque c'est la trêve internationale. C'est vrai qu'il y a l'équipe de France masculine qui va jouer, donc pas de match pour Saran, mais trêve chez les hommes, et puis chez les filles on reprend d'ailleurs, puisque la trêve se termine. Voilà, en balle, et puis avant-dernière journée en biathlon de la Coupe du Monde, ce sera Paul Luca en Slovénie. Et puis début de la saison des championnats du monde de Formule 1 en Australie dimanche pour lancer cette saison. Voilà ce qui vous attend pour cette semaine, donc encore très riche, vous l'aurez compris, en événements. On se quitte avec un dernier titre et on se le retrouvera donc la semaine prochaine. On sera bien là pour débriefer tout ça, hein, plein de choses encore. Allez, 22h39, on a un tout petit peu en retard, mais c'est pas grave. On n'est pas trop mal hein, pour avoir débriefé la Coupe d'Europe oui. Pendant une bonne demi-heure, etc. On n'est pas trop mal. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai. On a bien fait de commencer en avance. On se quitte avec Patrick Hernandez, Born to be Alive pour terminer. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Hugo, merci, bonne soirée et bonne semaine. Merci, bonne soirée à toutes et à tous. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Et allez Paris, allez Lille, allez Lyon. Bonne semaine, ciao, ciao. Como é que funcionam essas plataformas para o estrangeiro? Eu como com os meus livros, livro infantil e tudo, eu mando sempre para fora. Estou habituada. Este aqui não sei bem como é que funcionam os FNACs e isso, mas pronto, se não der nessas lojas, plataformas habituais, podem sempre vir ao meu site e comprar e eu envio. Muito bem. Luísa, obrigada. Eu sei que paraste um ensaio para poder conversar connosco. Continua. Não, foi uma boa conversa.